Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 9 où nous parlerons des actualités du 21 novembre au 22 décembre 2015, date d'enregistrement de ce numéro. Je suis Axel, votre hôte durant cette émission. J'ai toujours le plaisir de recevoir mes invités habituels durant ce podcast Parlons Cinéma. Donc je vais commencer par Eddy, puisque la dernière fois j'avais commencé par Morgane. Donc, Eddy, salut. Salut. Ça va? Ça va. Et Morgane aussi, salut. Bonjour. Ça va bien, puisque comme t'étais pas là le mois dernier. Ouais, pour coup, le ouais, j'étais très malade, ouais, très malade, mais là je suis remis d'aplomb. Bon, là j'ai un petit peu faim par contre. Donc, ça a rien à voir, mais j'ai un peu faim. À l'heure où on enregistre, j'ai toujours pas mangé et je commence à avoir l'estomac qui me le fait savoir. Et... Ouais. Donc, je risque peut-être de tenir des propos un peu incohérents. À cause de la fin. On essaiera de faire court pour que tu puisses te sustenter. Moi je suis maintenant à ta place, je suis un peu fiévreux, donc si, bien fait. Si mes propos sont incohérents aussi, n'en tenez pas compte. Donc voilà, on a pas mal de news et surtout énormément de bandes annonces parce que ce mois-ci c'était vraiment le mois des bandes annonces. Ils en ont balancé énormément. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que vous aurez l'émission en audio, mais je vais aussi vous proposer pour la première fois, et j'essaierai de faire ça le plus souvent possible, je peux pas vous promettre à chaque fois, mais je vais essayer de le faire le plus souvent, de poster en vidéo quelques jours plus tard, bien sûr, parce que ça me prend un peu plus de temps, sur YouTube, en vidéo, avec les bandes annonces... enfin les extraits de bande-annonce avec le podcast, voilà, pour que vous puissiez voir de quoi on parle en même temps qu'on en parle, voilà. Et puis tous les liens seront sur le site, et puis j'en reparlerai plus tard à la fin de l'émission, voilà. C'est bon, vous êtes prêts pour reparler un peu des actualités? Oui. Ok, donc on va commencer avec la première bande-annonce qui concerne Zootopie, le prochain Disney. On a découvert la bande-annonce, c'était fin novembre. C'est plutôt un grand extrait plutôt qu'une bande-annonce véritable, mais moi j'ai vraiment adoré le film. Il sortira j'ai adoré la bande-annonce. il sortira le 17 février 2016, donc dans pas très longtemps. Ouais. Et moi je voudrais savoir de quoi, qu'est-ce que vous en avez pensé, en commençant peut-être par Eddy, le spécialiste Disney. Non, mais j'ai trop hâte. Ouais, moi je suis pareil. J'ai trop hâte. J'ai encore plus. Je crois que j'ai presque aussi hâte que pour le voyage d'Orlo, donc j'espère que je préférerais. Mais. C'est pas difficile. Mais bon. ça a l'air. Non, ça a vraiment l'air très très bien. Enfin, ça a l'air très drôle surtout. Donc, ouais. Ah ouais. Et puis non, puis déjà le premier teaser, moi j'aimais bien avec le renard et le lapin, tout ça. Enfin, j'aimais bien. Donc maintenant, c'est juste un extrait, mais c'est super drôle, quoi. J'espère qu'ils vont, ça va, tout le film sera dans cet humour-là, ça serait bien. Ouais. Et puis l'animation est super impressionnante, même pour une bonne annonce. Enfin, les petits détails dans le visage de la lapine. Ça me fait penser à Elsa dans La Reine des Neiges. Un petit peu, ouais. Elle a un peu les mêmes expressions. Mais c'est justement par les réalisateurs. Si c'est par les réalisateurs, je sais. La Reine des Neiges, Les Mondes de Ralph, non? Ouais, c'est réalisé par Rich Moore, Byron Howard et Jared Bush. Donc le Rich Moore, il a fait le Monde de Ralph et Byron Howard a fait Réponse. Donc voilà, c'est enfin le Monde de Ralph, je l'ai pas vu. Le Monde de Ralph, c'était excellent, ça. Ouais, mais je l'ai pas vu. C'est un des seuls Disney que j'ai pas encore vu. Réponse, j'ai adoré. Réponse, ouais, c'est super drôle. Donc voilà. Ouais, c'était bien, Réponse. Morgane, qu'est-ce que t'as pensé de la bande-annonce? Alors, ce qui est étonnant, c'est que là, quand je vais en parler, j'ai en tête l'extrait avec les paresseux et je suis à deux doigts du fou rire. C'est que moi, ça a été une découverte. Je voulais pas trop voir le trailer parce que j'avais eu la flemme de le regarder. Et en fait, en allant voir Sting 2, je suis tombé dessus au cinéma. La salle était remplie et la salle était écroulée de rire, et moi le premier. Ouais. Et je suis sorti là en disant, mais ce film-là, je l'attends. Mais je pense que si l'extrait est révélateur de ce qu'est le film, je pense que ça peut être un petit bijou et que ça va rattraper. Parce que je trouve que Disney, quand même, La Reine des Neiges, je suis pas fan. Je sais, je n'ai pas toujours dit ça, Eddie, je te vois venir. J'ai rien dit, moi. Mais justement, ça me fait plaisir quand même que Disney sorte du délire princesse. Et là, on en revient à des personnages, voilà, un lapin, un renard, un chevreuil, je sais pas quoi. Enfin, ça peut donner, puis même visuellement, ouais, mais c'était ça a l'air bien, c'était beau, bien aussi qu'ils reviennent. Avant réponse, il y a longtemps qu'ils n'avaient pas parlé de princesse. La dernière en date, c'était la princesse et la grenouille. Voilà, et, c'est ça. Et c'est bien que je trouve qu'ils, maintenant, dans leur version, dans la version 2.0 de Disney, tout en 3D. C'est un peu le bémol que je poserais, même si j'aime bien, enfin, franchement, j'ai adoré l'abondance. Bah, ils sont beaux, leurs films. Oui, pas le problème, ils sont très beaux, mais j'ai toujours l'impression qu'ils essayent de rattraper Pixar sur la 3D, en fait, et de plus faire de films d'animation en 2D. J'avais déjà dit le souci que j'avais avec ça, donc je vais pas revenir non plus, mais j'ai adoré l'abondance. Je suis très impatient de découvrir le film. En plus, c'est dans pas longtemps, donc je suis encore plus impatient. Et en plus, ce que j'adore, c'est que Michael Giacchino revient à la musique du film. Wow. Donc ça peut encore, ça peut encore donner quelque chose d'exceptionnel. Donc, mais c'est dingue. Enfin, Michael Giacchino, là, il s'impose vraiment. C'est limite maintenant, si t'as pas envie de voir un film, parce que Michael Giacchino fait la musique. C'est ça. Ouais. Il est tellement bon dans ce qu'il fait que. Donc voilà. C'est, je pense, le meilleur, on va dire, entre guillemets, nouveau. Actuellement, actuellement, oui. Parce que bon, on dit Hans Zimmer, c'est un peu le taulier. Mais chez les nouveaux, bon, il y a Alexandre Desplat qui est pas mal aussi. Ouais. Mais Giacchino, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Moi, j'aime bien Ramin Djawadi aussi, oui. Mais il est moins connu. Ouais. Et pourtant, oui. il fait des super musiques aussi. Alors, lui est moins connu de nom. Par contre, les musiques, tout le monde les connaît. Hein. Ouais. Bah oui, bah déjà tout le monde connaît le générique de Game of Thrones. Ouais. Et puis, même moi qui suis pas fan, je connais et j'aime bien en plus. Ça m'emmerde de le reconnaître, mais j'adore le générique de Game of Thrones. Et puis et même Pacific Rim, quoi. Ouais. Ouais. Donc, donc voilà, Zootopie, le prochain Disney. Nous, on est tous super impatients. De toute façon, on vous en reparlera dans un podcast Movies Nerd quand il sortira. Et on va passer maintenant à une autre bande-annonce encore de Disney aussi, mais d'un autre côté de chez Disney, c'est chez Marvel, où on a eu la première bande-annonce en fait de Captain America Civil War qui sortira le 27 avril 2016. Du coup, on voit dans cette bande-annonce Captain America et Iron Man qui commencent à se taper, comme c'était prévu pour ce film. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé, parce que je pense que vous n'êtes pas familier avec le comics Civil War. Non, pas du tout. Donc je voulais savoir ce que vous avez pensé de la bande-annonce, sans avoir ça dans la tête, sans avoir le comics dans la tête. Bah, moi, pourquoi pas, quoi, mais ce qui me fait rire, c'est que ils sont en train dans la bande-annonce, ils instaurent un ton très très grave et tout, ouais. Alors qu'ils font des films qui racontent des trucs graves, mais c'est tellement aseptisé que du coup ça passe, ça marche pas forcément en fait le côté dramatique, je trouve. Ouais. Donc du coup là, tu sais qu'en fait ils veulent te vendre quelque chose et puis au final tu sais très bien que ce sera pas ça, quoi. Je peux me tromper, mais Oui, non, mais je pense que t'as raison. Après, l'affrontement entre les deux peut être intéressant parce que c'est quand même deux figurines. Bah, deux... Ouais, voilà, c'est ça. Puis bah, c'est un peu les deux leaders, quoi. Ouais. Après, il faudra choisir son camp. Moi, j'avais bien aimé le deuxième Captain America. J'avais pas aimé le premier, mais le soldat de l'hiver, j'avais bien aimé. Ouais. Iron Man, après, j'aime bien, mais voilà. Ouais. Mais je suis pas un fan absolu de Marvel, ouais. Donc du coup. Moi, j'attends, c'est con, mais j'attends beaucoup plus Ragnarok, en fait. Troisième Thor. Ouais, mais d'ailleurs, on n'a pas eu de bande-annonce encore. Morgane ? Bah, pareil, je cours pas après les films Marvel, ouais. Je vais les voir, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas, hein, c'est au cas par cas. Ouais. Là, honnêtement, je suis d'accord avec Ellie sur le fait que la bande-annonce nous vend quand même quelque chose de plus dramatique. J'ai envie de leur laisser le bénéfice du doute en me disant que un film comme ça, avec un tel affrontement, on peut pas faire des blagues, entre deux scènes de combat. Donc, par rapport au comics, je sais pas le ton du comics. Je sais pas si c'est hyper dramatique ou si de temps en temps ils s'autorisent des petites blagues gounettes ou je sais pas quoi. Après, honnêtement, les personnages, c'est les personnages que je préfère chez les Avengers. Donc j'irai le voir pour ça, sans l'attendre particulièrement. En termes d'affrontement, t'as Tony Stark, donc t'auras toujours un ton un peu sarcastique. Ouais. Bah justement, je sais pas. Après, indépendamment, Iron Man, j'avais trouvé le 2 regardable. J'ai pas vu le premier. J'avais bien aimé le 3. Je trouvais que le 3 avait quand même. Bah le 1 et le 3 sont les meilleurs. Je au niveau le deuxième, du moins. Au niveau du, bah le deuxième, ça tenait beaucoup sur Mickey Rourke, je trouve. Qui portait le film, parce que bon, c'est quand même une gueule, Mickey Rourke, voilà. Mais le 3, je trouvais vraiment malin, bon, même si je sais que les fans se sont sentis insultés. Mais moi, j'ai aimé justement cette liberté que, voilà, je trouvais que c'était, ça rendait le film vraiment jubilatoire. Et Captain America, j'ai pas vu le premier, j'ai vu le deuxième, que j'ai trouvé pas mal, bon, c'était pas non plus, voilà. Pour moi, c'était, quand on dit que c'est le meilleur Marvel de la phase 2, oui, mais bon, en même temps, quand on voit ce qu'il y a à côté, la concurrence n'est pas non plus énorme. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah mais. Ouais, mais il est pas vraiment dans une phase, les Gardiens de la Galaxie. Si, non, phase 2, puisque. Ah, oh, je le mets tellement à part celui-là, mais je le mets trop à part. Mais j'ai tendance à l'oublier, mais voilà. Bon après voilà, comme je dis, en matière d'affrontement de super-héros, j'attends un prochain film dont on va parler après. Plus que celui-là. Mais du coup, j'ai pas vu Ant-Man, donc il faudrait que je voie Ant-Man avant de. Ouais, pas besoin. T'as pas besoin. Franchement, non. T'as pas envie. Mais bon, quitte à les voir. Moi, je suis un peu maniaque, donc du coup. Ouais, non, mais. C'est bien de les voir. C'est bien de les voir quand même. Ouais, oui. Donc, cet opus est réalisé par Joe et Anthony Russo, qui réaliseront aussi les Avengers partie 1 et 2 de Infinity War. Donc, je comprends plus rien. Ouais, qui sont assez occupés. Ce sera plus. Bah, en fait, Infinity War, c'est la fin de la phase 3, en fait. Le film choral de la phase 3. Voilà, et du coup. Mais celui-là, le problème, c'est que Civil War, ça donne déjà un peu cette impression-là. Ouais, mais Civil War, c'est pour commencer. Parce qu'on entre dans la phase 3 avec Civil War. Ouais, c'est un intermède, quoi. Non, c'est pour commencer, en fait, pour débuter. Après, c'est sûr que deux films, quand même, Infinity War. Bon, on verra ça plus tard, mais. Donc là, franchement, la bande-annonce me tente pas énormément. J'adore le comic Civil War. C'est un, d'ailleurs, c'est Mark Millar qui est au dessin. Morgan, tu reconnaîtras bien le dessinateur de Kingsman et de Kick-Ass. Oui. Donc, ah oui, d'accord. moi, j'étais largué là. Maintenant, faut bien payer ses impôts. Donc le comic, c'est lui qui l'a dessiné. Et du coup, moi, j'adore vraiment le comics, mais le problème, c'est que là, ça nous promet quelque chose. Enfin, le film nous promet un affrontement entre 4-5 personnages, alors que dans le comics, il y en a beaucoup, beaucoup plus. En plus, il y a des X-Men et tout ça. Bon, problème de droit, il y a toujours le problème de droit. Mais ouais. Voilà. Le film ne m'emballe pas plus que ça, franchement. Je commence à être un peu lassé par les productions Marvel, surtout après cette année, en fait. En y réfléchissant bien, je pense que c'était vraiment une année assez plate pour les super-héros. Il n'y avait pas un seul bon film de super-héros, même Avengers 2 pour moi. Avengers 2, c'était le meilleur et donc. Le moins pire. Voilà. C'est ça, c'est pas le meilleur, c'est le moins pire. Oui, même si j'avais plutôt aimé au premier visionnage, je l'ai revu là récemment et ça. Non, c'est vraiment pas terrible quoi. Donc voilà, je suis vraiment. Pas très intéressé, je le verrai bien sûr, mais voilà, c'est. Alors moi, ce qui me rend curieux pour celui-là, enfin s'ils le font, parce qu'il y a plein de rumeurs qui circulent autour de ça, est-ce qu'ils vont nous montrer Peter Spider-Man. Parker? Ouais, est-ce qu'ils vont le montrer? Normalement, ils devraient le montrer. Ah. Voilà. On voit d'ailleurs dans la bande-annonce, mais vraiment super rapidement, Black Panther, donc c'est quelques secondes durant la bande-annonce, mais ça, lui aussi aura droit à son film. Film solo que je suis très impatient de voir d'ailleurs, même parce que j'adore le personnage. Mais normalement, on devrait voir Spider-Man. Bon, bah pourquoi pas. Mais du coup, voilà. Spider-Man, ça, au point qu'on en est, ça sera phase 4, quoi. Non. Normalement, c'est censé être dans la phase 3. Je crois en 2017-2018, à peu près. Mais voilà. Vous imaginez, là on est en 2015, imaginez dans 15 ans, on aura combien de phases? Parce que les films comme ça marche, enfin, ça cartonne. S'il y a autant de phases, c'est que les films. Pour l'instant. Oh, mais les gens finiront peut-être par se lasser. Les gens finiront toujours par se lasser de quelque chose. C'est la fièvre qui parle. Pardon, un moment ou à un autre, on se lasse de toute façon. Voilà. C'est chimique. Ok, d'accord. Bon, on va peut-être passer à autre chose. On va passer à Green Lanterns 3. C'est une sacrée transition. Ouais, je suis. Je suis assez fort en transition, je dois donc Gremlins 3, on en avait parlé il y a quelques mois, qui était un projet de remake, reboot, on sait pas trop de quoi il voulait faire, qu'est-ce qu'il voulait faire avec. Donc normalement, d'après Zach Galligan, donc c'est le héros des deux premiers épisodes, Gremlins 3 ne serait pas une suite, mais enfin serait pas un reboot ou un remake, mais plus quelque chose dans la lignée de Jurassic World, qui se déroulera 30 ans plus tard. Donc, ou Star Wars. Oui, voilà, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Hein. J'avais envie de le caser quand même. Voilà, bon, c'est fait. Donc je ne sais pas ce que vous pensez. Pour l'instant, Joe Dante a dit qu'il ne voulait pas le faire. Chris Columbus, qui avait écrit les deux premiers volets, a dit qu'il voulait pas voir de remake de son vivant. Donc voilà, je sais pas ce que ouais, je sais pas ce que vous pensez de cette suite reboot remake de Gremlins. Bah, l'idée que ce soit pas un remake, c'est une bonne nouvelle en soi. Maintenant Gremlins, moi je garde un excellent souvenir des deux premiers, je pense pas que j'ai envie qu'on enfin 30 ans après je sais pas quelle année date le deuxième, mais honnêtement, je suis pas emballé quoi. Je crois pas que j'ai envie de revoir, surtout là en numérique, tout ça. Ah non. Voilà, c'est ce que l'acteur disait, c'est qu'il espère pas avoir trop d'images de synthèse ou que celle-ci soit aussi bonne que dans le dernier. Le truc c'est que voilà, les Gremlins, c'est pas tant le fait que ça soit des petites créatures et tout. C'est ce qui fait le sujet du film, mais après ce qui fait le charme du film et ce qui rendait le film drôle quand c'est sorti, et puis ce qui fait son charme aujourd'hui, c'est justement le fait que ça soit un peu marionnette, animatronique, ouais. Quoi. Mmh. Aujourd'hui, bah ça aurait pas le même impact. Même si apparemment, je pense au film Ted là, qui est un petit personnage comme ça, tout en image de synthèse. Apparemment, ça plaît aux gens, mais je sais pas trop quoi en penser en fait de ça. Ouais. Ça me laisse assez indifférent. Mm-hmm. Bah, tout dépend du réalisateur après. Tu dis que Jordan, il a pas trop envie de le faire. j'ai peur qu'il refile ça à quelqu'un qui. Voilà. Un bon faiseur qui va foutre plein de numérique dans le truc, mm-hmm. et qui va faire appel à Zach, je ne sais plus comment, Galligan, mais c'est pas lui, Galligan, acteur totalement inconnu au bataillon, à part Gremlins, je l'ai vu dans nulle part ailleurs. Pareil. Donc, ouais. Bon, après, bon, ce serait bien pour lui qu'il revienne, parce que ça lui donnera à manger, mais le salaire va être bon, D'ailleurs, je pense qu'un film comme ça, s'il sort, à mon avis, ça va cartonner. Il y aura Je sais pas si c'est vraiment l'époque pour refaire un Gremlins. Parce que je vois pas vraiment. Je vois personne s'intéresser vraiment au projet, quoi. Mais non, puis t'as plus cette folie vraiment qu'il pouvait y avoir dans les années 80, 90, c'est un peu dommage, qui était propice quand même à ces films-là. Oui, mais le truc, après, pareil, le cinéma, il a évolué durant tout ce temps, donc. Bon, de toute façon, on le voit sur les retours de gros. Bon, t'as pas encore vu Star Wars, mais déjà tu vas le voir. Il y a des parties prises qui ont rien à voir avec les premiers. On l'a vu avec Jurassic World cette année. Le retour des grosses franchises, en fait, c'est soit. De toute façon, c'est soit ça marche, soit ça rate. Donc, ouais. Et je pense que le plus dur, c'est vraiment de s'adapter à l'époque dans laquelle on veut transposer ce retour-là. Ouais. Jurassic World l'avait bien fait. Parce qu'il n'est pas si vieux que ça en plus. Puis les thématiques de Jurassic World, finalement, c'est là où le premier était visionnaire, c'est qu'elles sont toujours très très actuelles. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Mais est-ce que les Gremlins, la même substance est-ce que la substance des Gremlins est assez conséquente et assez forte pour justement convaincre aujourd'hui? C'est ça la vraie question, je pense. Ça dépend sur quoi ils se basent pour faire leur promo. Je pense qu'ils peuvent que se baser sur le côté créature et le côté un peu produit dérivé, parce que Gizmo est quand même, le côté mignon de Gizmo qui qui fait qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. C'est donc je pense qu'ils vont jouer là-dessus et après j'ai peur du côté parce que alors sur ces films-là, le risque c'est qu'il faut plaire à ceux qui ont aimé les deux premiers, mais il faut aussi viser un nouveau public. C'est et là ça. Je sais pas comment. Alors là j'ai vraiment peur qu'ils nous foutent un Gremlins, on va dire vraiment bah. De toute façon, je pense pas qu'il y aura Gizmo, je pense qu'il est mort depuis. Donc je sais pas comment ils vont amener des nouveaux Gremlins, c'est le comment les identifier. Ce Gizmo avait un charme il avait un charme à moins qu'il fasse tenir l'intrigue directement dans la suite des deux autres et que le film se passe dans les années 80. Ça peut être ça. Ouais. Mais puis après peut-être que la meilleure tangente à prendre pour le film finalement, c'est de partir dans un projet complètement dingue et fun en fait. Ouais, juste un film qui tiendrait juste là-dessus et ce serait peut-être le meilleur à faire en fait. Un Gremlins Fury Road quoi. Ouais, non mais c'est vrai hein, peut-être. Mais ce serait pas mal, mais honnêtement à la limite, voilà. La jouer façon Mad Max, on va dire, on fait pas une suite, on fait pas un remake, on fait un truc qui se déroule à peu près de moi. Mais voilà, pourquoi pas. Mais là, une suite, je vois pas trop l'intérêt. Oui. Surtout que le 2, c'est pas non plus, le 2, c'est pas, il est pas extra. Le premier, il est super, en plus, d'ailleurs, je vais le revoir, parce que là, les périodes de Noël, j'adore revoir les Gremlins, parce que c'est un film de Noël et tout. Ouais. Le deuxième, honnêtement, il est rigolo, mais c'est pas non plus, il est pas exceptionnel. Il y a des trucs drôles, quand même, dans tout ça. Oui, oui, non, mais c'est pas ce que je dis, mais le premier pour moi reste le meilleur parce que il y a le côté Noël, il y a le côté chocolat chaud quand tu regardes ce film-là. Enfin, c'est un film qui fait du bien. J'adore revoir ouais, ce film. Ouais. Et maintenant, c'est un peu dur. Hein. C'est comme refaire la course aux jouets maintenant. Enfin, c'est le genre de truc. Bah oui, c'est pas tout d'ailleurs pas il avait refait. J'ai même pas vu le film, mais enfin, tu vois, c'est vraiment des. C'est des trucs qui sont ancrés dans une époque et c'est un peu difficile les détacher ça, de ces époques. Est-ce que tout est bon prétexte à faire un remake en fait, ouais. Ou à remettre sur le devant de la scène sur ça... différentes franchises, sur Jurassic Park c'est fédérateur, Star Wars j'en parle même pas, mais Gremlins honnêtement je pense que c'était générationnel à l'époque, ça avait fait son petit buzz parce que c'était révolutionnaire techniquement, enfin. C'était les années 80. Bah, c'est au même titre qu'un remake de Retour vers le futur, ce serait complètement aujourd'hui ça fonctionnerait pas. Ouais. Ouais. Donc voilà. Ouais. On va passer à. On verra bien. On va passer à quelque chose dont on devait parler normalement avec Morgan le mois dernier. Ah oui, c'est vrai. Je pense que tu t'en fiches un peu. Donc c'est encore. Des news encore pires que ce qu'on avait le mois dernier. Donc ouais, c'est... Le mois dernier encore ça va, c'était juste un titre qui était pourri à la base, qui était encore plus pourri. Voilà. Mais là, il y a une autre nouvelle derrière cette pourritesse. Il y en a encore plein d'autres, hein. ça risque d'arriver là parce que Ridley Scott. Donc on parle de Alien Covenant. Il est chaud lui, hein, Ridley Scott. Hein. Là, il est vraiment chaud. Donc, Alien Covenant qui est la suite de Prometheus. Ridley Scott vient de confirmer que ce film-là aura deux suites. Donc, ça veut dire qu'on a trois films suites de Prometheus en projet par Ridley Scott. Quadrilogie, quoi. Ça fait une quadrilogie. Voilà. Deux suites de Prometheus. Donc, il s'est fixé donc trois films encore, donc ça fait énormément déjà. Et selon le synopsis officiel du premier, enfin de Covenant, ce sera le nom du vaisseau grâce auquel un équipage se rend sur une planète située aux confins de la galaxie et qui paraît être un paradis inexploré. En réalité, c'est un monde sombre et dangereux qui les attend, ainsi qu'en revenant l'androïde David rescapé du désastre du Prometheus. Donc le nouvel épisode sera filmé en Australie, comme probablement les deux opus suivants. Et le tournage avec Michael Fassbender commencera ce mars prochain pour une sortie en octobre 2017. D'ailleurs, l'actrice qui va être aux côtés de Michael Fassbender, c'est Catherine Waterston. Voilà. Me demandez pas ce qu'elle a fait, j'en sais rien. Pareil. Et à la base, ça devait être Rebecca Ferguson. Je déteste la Fox. Parce que Rebecca Ferguson, dans un film comme ça pouvait être génial. Mais Catherine, bon, après, je la connais pas. Donc je sais pas ce que. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais bon. Donc voilà. Et en plus, on a eu encore. J'avais lu ça quelque part que Ridley Scott avait annoncé qu'il voulait mettre toutes les créatures qu'on voit dans tous les films Alien ou de la franchise Alien, dont Prometheus, dans un seul film. Donc il voulait faire un gros film de monstres avec Alien. Donc. Allez. faire alors, Avengers. Il nous a offert un super beau film cette année, mais là, j'ai pas très envie de voir dans quoi il continue. Parce que là, il touche à une franchise qui est quand même aimée de pas mal de personnes, même si Prometheus c'était déjà, pour certaines personnes, moi j'ai bien aimé, hein, j'avoue, je l'ai déjà dit ici. Il y a des qualités dans Prometheus. Voilà. Il y a des qualités. Faut pas dire. Mais là, faire trois films suite de ce film, ça aurait pu aller, mais trois c'est juste... Bah oui, parce que la fin de Prometheus, elle était ouverte, donc il fallait voilà. une suite, mais c'est à ça. L'époque, Prometheus n'avait pas tellement plu, donc la suite avait été annulée. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu Alien 5 par Neil Blomkamp. Alors, celui-là, je pense pas qu'il verra le jour un jour. C'est... Jamais. Voilà. Non, mais jamais. Il peut, parce voilà, que... c'est à moins c'est que Ridley mort, Scott, à moins que Ridley Scott, vu son âge, quand même, il peut mourir et du coup, on lui souhaite pas, mais non, parce que je pense que s'il meurt, il va revenir en fantôme. Il va... Non, mais il va revenir il la merde, même mort, monter pour avoir dit ça. non, mais je vois, c'est la seule possibilité pour. Mais oui. Pour que Alien 5 se fasse par Neil Blomkamp, sinon je vois pas vraiment que je pense que le film ne verra jamais le jour. Parce qu'il a plus de poids, parce que voilà, ouais. Même par rapport à Seul sur Mars, il a cartonné. Mm-hmm. Neil Blomkamp, Chappie, ça a été un four, donc malheureusement c'est la loi du plus fort dans ces cas-là. Ouais. Et la Fox donne tout, donne carte blanche à Ridley Scott, qui avait fait d'ailleurs Prometheus le premier, parce qu'il était nostalgique de la hype et de voilà de l'amour du cinéma qu'il y avait à l'époque. Du premier Alien ou ouais. même de Blade Runner. Donc, bon, c'était sa démarche. En voyant le premier Prometheus, qui est un mauvais film, mais avec des qualités. Voilà. Non, mais il y a des qualités visuellement, honnêtement, c'était parfait. C'était beau. Ouais. Mais dans la mythologie Alien, je trouvais que c'était pas intéressant. Et je trouvais que le film avait le cul entre deux chaises. Et ça m'énervait parce que je savais pas ce que je voyais. Est-ce que c'était un remake? Est-ce que c'était un préquel? Est-ce que j'en savais moi, rien? Le... Je savais pas du tout. Je l'ai vu comme un film à part et à part. J'ai pas connecté. Enfin, bah bien mais sûr, on peut pas penser à Alien, mais. On voit le Space Jockey, donc au bout d'un moment, enfin, moi je trouve qu'on peut pas, quoi. Ouais. Je pouvais pas me dire que les aliens. Je pouvais pas me dire que les aliens entre guillemets n'existaient pas parce qu'il y avait plein de références à aliens. Donc du coup, je trouvais que c'était un alien bis, mais en clairement moins bien. Après, on avait besoin d'une fin vu que la fin du premier était assez ouverte. Donc maintenant, il y a une seule suite, ça aurait été, mais là c'est la catastrophe. Hein. Je sais pas comment il va faire pour faire trois suites d'un film qui n'est. Mais c'est surtout que la suite, enfin. Ok, c'est une suite, mais est-ce que c'est la suite du premier? Parce que, bon, je vais prendre le risque de spoiler, mais la suite du premier ouais. à la fin, c'est Naomi Rapace et Michael Fassbender qui se barrent sur la planète Paradise. Naomi Rapace n'est pas dans Alien Covenant. Qu'on ouais. explique où elle est. Je comprends déjà bah, rien. Ils vont rien nous faire un twist à la Alien 3, tu sais. Oh, attends, ça se trouve, c'est... Ah ouais, attends, ça se trouve, Naomi Rapace, ça se trouve, c'est elle, le alien. Voilà, ou alors, elle est morte congelée. Ouais, non, mais bon, Et j'ai un peu peur, j'ai l'impression qu'il sait pas lui-même où il va. En fait, voilà, il a trop de projets, ouais. Déjà, même si Alien Covenant, j'ai vraiment la trouille, mais qu'il fasse d'abord celui-là, au lieu de... Enfin, plutôt que de nous promettre 20 suites, c'est ça. Qu'il fasse d'abord celui-là, on verra. Mais je suis pas sûr... Honnêtement, bon, je vais y aller parce que Alien, je suis fan et ouais, parce que Ridley Scott, malgré tout. Mais je suis pas sûr. Parce que Prometheus, même si j'aime pas le film, bon, à l'époque j'avais aimé. Mais à l'époque, j'étais sorti en me disant vivement la suite. Que ouais, là, je suis pas ouais. sûr d'aller le voir et en sortant, je suis pas sûr que je vais me dire. Non, moi je voulais aller le voir et que ça connecte à Alien et que qu'on ça en connecte. Parle plus. Voilà. Que ça se connecte, voilà, que ça se connecte et puis qu'on en parle plus et ouais. Au pire, on laisse faire Alien 5, encore, c'est, mon Neil Blomkamp, il avait de bonnes idées, je trouve, au niveau des designs, etc. Après, on n'avait pas entendu d'histoire. Et l'idée de mettre Sigourney Weaver dans voilà. un armure, enfin, je trouvais ça super. Enfin. Oui, en plus. Mais honnêtement, je pense qu'il va lui emboîter le pas et je suis quasiment persuadé qu'il va faire venir, qui va faire venir Sigourney Weaver. Je suis sûr. Je sais pas comment il va s'y prendre parce qu'à la base ça se passe bien avant Alien. Ouais. Mais je sais pas forcément s'il fait 28, au bout d'un moment chronologiquement ça va se rejoindre. C'est ça. Donc je pense, tu sais genre ils vont nous montrer le Nostromo tu sais en arrière-plan ouais, en mode ça. Coucou. Je suis... Mais en construction. Ça va être n'importe quoi. ça va être n'importe quoi. Je pense qu'il nous l'a fait à la George Lucas avec le Alien. C'est ça. Mais c'est ça. Il est nostalgique et puis il veut refaire. Il veut, voilà, c'est il ça. Veut juste refaire. Alors il moi, sait ça qu'il fait, retouche pas ça Alien. Ça fait 5-6 minutes que je comprends rien à ce que vous racontez. Alors, on est désolé pour ceux qui n'ont jamais je vu Alien. Je suis complètement largué. J'écoute avec attention, mais je n'y comprends rien. Oui, on est désolé pour ceux qui n'ont pas vu Alien. Oui. On est entre fans, mais en même temps, je sais que quand on va voir Alien Covenant, Axel va me demander un câlin parce qu'il va pas être bien. Voilà, donc, c'est ça. Et moi là, de même. Donc, je pense que je vais pas super, pas être bien. Et puis, en plus, quand je vais voir les suites arriver, ça va être encore pire. Donc voilà. Déjà, est-ce que à la base t'étais pour un Alien 5 ou même un Alien ou même 5 un Prometheus? Denis Blomkamp, ça me dérangeait pas vu ce qu'il avait sur la table. Sigourney Weaver, les designs qu'il avait, c'était assez solide, je trouve. Après, on avait, je sais pas s'il avait parlé d'un scénario quelconque ou pas, s'il avait déjà quelque chose en tête, mais moi j'étais pour. Après, les Ridley Scott qui reviennent sur sa saga, c'est voilà, j'ai pas très en plus. Maintenant, il prend le nom d'Alien. Prometheus, on pouvait encore mettre le doute. Là, il prend le nom d'Alien, donc voilà. Et d'ailleurs, Eddie, j'en profite, on est dans le podcast, ça, du coup, tout le monde t'écoute, tout le monde te regarde entre guillemets, mais vraiment Alien le tout premier, regarde-le. Parce que c'est vraiment, mais si tu aimes le cinéma, t'es un cinéphile, t'es jusqu'au bout des ongles. Et mais le premier Alien, je veux chercher une métaphore, mais franchement, le premier Alien, je suis sûr que tu vas l'aimer, mais même l'adorer. Techniquement, c'est un grand film, c'est un grand huis clos, il y a une ambiance, c'est, est-ce que ça fait peur? Pas spécialement. C'est même pas gore. C'est pas le problème que ça fasse peur ou pas, c'est juste que ça me... Ah voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, je croyais que toi ça te faisait peur ou que t'avais peur que ce soit trop sanglant parce que bon, t'aimes pas trop Ah oui, le côté sanglant me gêne, mais il y a quasiment pas Ouais, il y a juste la scène où il voilà. sort du ventre. Mais c'est là, tout le monde la connaît. Il y a une scène où il sort du ventre. Mais c'est, ouais, ça. C'est toujours sympathique. Oui, mais c'est t'inquiète. Oh, bon, on va parler d'autres choses d'Alien parce que je pense que ceux qui sont pas fans d'Alien doivent être perdus comme Eddie et doivent vouloir qu'on passe à autre chose. Donc on va passer. Et que ces gens sachent que je les comprends. Vous n'êtes pas seul. Donc du coup dans le podcast personne ne vous entendra crier. Donc c'est pour ça que je ne crie pas d'ailleurs. Oui. On va passer à une autre saga. Donc désolé si vous n'aimez pas non plus Mission Impossible, on va essayer de faire vite. Donc Mission Impossible 6. Je ne vous comprends plus. Oui, voilà. Mission Impossible 6 a trouvé son réalisateur, donc malheureusement, heureusement, on va en discuter. Oui. C'est Christopher McQuarrie qui nous a pondu un des meilleurs films d'action de cette année. Le meilleur film d'action cette année, disons-le. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Voilà, même Mad Max, qui est pas mal. Non. Mad Max est moins bien que Mission Impossible 5. Pourquoi vous dites. J'ai rien compris. Pourquoi vous dites malheureusement? Tu comprendras. Non, mais en fait c'est parce une bonne et une mauvaise nouvelle en fait. Voilà, c'est ça. C'est parce que bonne, comme à chaque volet normalement on change de réalisateur. Là, j'ai peur qu'il soit un peu coincé et qu'il refasse un peu les mêmes choses. On va en discuter. Donc Christophe McQuarrie qui nous a pondu Mission Impossible Rogue Nation cette année a annoncé que sa mission est acceptée. Hashtag MI6, donc Mission Impossible 6. C'est ce qu'il avait annoncé sur son Twitter. Donc du coup, c'est officiel, ce sera bien le réalisateur. Pour la première fois, ce sera un réalisateur qui réalisera deux suites de, consécutifs, voilà. Voilà, c'est ça. Deux films consécutifs de la saga Mission Impossible, puisque normalement, on change à chaque fois de réalisateur. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà, ça dépend des avis. Mais donc moi depuis je l'ai vu. Oui, tu l'as vu. Bon, Il est bien. Ouais, Rogue Nation, il est pas mal. Ah ouais. C'est, d'ailleurs, c'est même l'un des meilleurs. Ouais, je vais te demander, c'est lequel ton préféré du coup vu que t'as vu les 5. C'est Protocole Fantôme. Ouais, le 4 quand même, ça reste le film de cœur, ce Brad Bird. Ouais. Même si j'aime beaucoup le premier quand même. Moi j'hésite. Hein. Le 2 quand même. Celui de Palma, il a vraiment un charme, je trouve. Ouais. Et puis le 2 quand même. Non, Donc Morgan, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau réalisateur? Et c'est une bonne une mauvaise nouvelle parce que au moins il y a une valeur sûre. C'est donc ça. On sait à qui on donne le projet et Macquarie. Alors même si j'ai toujours pas vu Jack Reacher, mais je vais me baser vraiment sur Mission Impossible 5 qui est pour moi, comme je l'ai dit, le meilleur film d'action. Paraît-il que c'est pas mal, Jack Reacher. Ça, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur quand t'as parlé, Eddy. J'avais la tête. Honnêtement, j'ai cru que c'était une voix que je connaissais pas. J'ai désolé. J'ai failli crier. Désolé. Oui, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Je suis ta conscience. Oui, c'est ça. Je pense à Nemo, là. Oui, bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Comment ça va? Ouais, ça va pas mal. Bon, on a les mêmes références, c'est bien. Je l'ai revu il y a pas longtemps, d'ailleurs. Non, alors oui, Jack Reacher, oui, paraît-il que c'est pas mal, et je vais le voir parce que Tom Cruise, quand même. Donc, voilà, Rogue Nation, c'était vraiment... excellent, exceptionnel, magistral, tout ce qu'on veut. Donc je suis quand même rassuré. Maintenant, ce qui faisait aussi la réussite des Missions Impossibles, c'était qu'on changeait à chaque fois, comme j'ai dit, pour le meilleur et pour le pire, de réalisateur. Et du coup, chaque réalisateur apportait de son univers, de sa mise en scène, de sa voilà. Donc je suis un peu partagé. J'aurais voulu j'aurais voulu peut-être un autre après quand j'y pense je vois pas qui quand même. Mais j'ai peur que ça fasse comme Sam Mendes avec Spectre. C'est Skyfall, c'était vachement bien. Justement, Spectre, je voulais dire qu'on en a parlé avec James Bond, c'est que enfin moi je connais pas mais tu avais dit que chaque fois on changeait de réalisateur et comme là on n'a pas changé de réalisateur et que pas toujours parce que Casino Royale c'est Martin Campbell et il en avait fait un précédent, il avait fait GoldenEye je crois. D'accord, ok. Mais bon, c'était pas consécutif, oui, ce que voilà. Je veux dire que là il y a le côté d'ailleurs c'est ça risque d'être on ressent ça plutôt comme une suite vraiment directe. Ben, ça a toujours été depuis Mission Impossible 3 avec l'avenue de J.J. Abrams, hein. Il y a toujours le 4, ouais. Il y avait vraiment un côté suite, le 5 c'est pareil vu que dans le 5 on remontre une scène du 4 voilà. Donc il y a un côté un peu série télé. Ouais. C'est pas plus mal d'ailleurs parce que bon, il y a ouais, c'est ouais. Ça fait c'est original. Il y a pas de côté one shot. Voilà, Mission Impossible à la base c'était une série télé ouais, aussi. C'est voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que le film de De Palma avait pas plu aux fans de la série télé puisque ça faisait pas série télé, c'était ouais, vraiment gros blockbuster. Voilà. Mais que là, on en revient non pas à une mise en scène, mais plutôt à une écriture très télévisuelle. Le côté suite, voilà, les, maintenant, il faut peut-être que le scénario évolue un petit peu parce que même si j'adore Mission Impossible 5, c'est quand même, le scénario est quand même identique au 4. C'est quand même l'histoire d'une agence qu'on va dissoudre, je sais pas quoi, machin. Voilà. Donc. Ouais. Faut peut-être changer peut-être de scénario, peut-être écrire un petit peu plus, ce serait pas mal, mais c'est en ça. Même temps, si en matière de c'est la faiblesse des Missions Impossible, c'est que ça se renouvelle pas beaucoup au niveau des scénarios en général, de toute façon. Mm-hmm. Ouais. Le 3, honnêtement, c'est pas mon préféré dans son rythme et tout ça, même si j'adore J.J. Abrams, mais le scénario était pas mal, le scénario était intéressant. Maintenant, voilà, j'attends le 6e, parce que Mission Impossible, je trouve que depuis le 3, justement, ça s'envole et ça devient des grands films d'action, et je suis content de les voir à chaque fois. Ouais. Et Tom Cruise, il me promet des cascades encore. Ah là, mais c'est ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va s'accrocher à une navette spatiale et il va aller dans l'espace? Ah, mais... Gravitom, enfin il va aller là-haut quoi, mais... non justement ça va être génial. Quand on y réfléchit, il est quand même monté sur une tour à je sais pas combien de mètres de haut. Il a volé sur l'aile d'un avion. Il a été en apnée pendant 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Et il y en a encore qui pensent que c'est Chuck Norris le patron. Mais non mais c'est ça. Voilà. C'est ça. Tom Cruise il est pas grand mais il est vaillant. C'est ça. Et donc Eddy, toi, le fait que ce soit à nouveau le même réalisateur? Bon, je verrai bien. Ouais. Pour le moment, ça me... Ça ne dérange pas. Je sais pas, oui, bon, ouais. Faut voir ce que ça va donner, quoi. Ouais. Avant ouais. De le... Non, je sais pas, j'ai pas trop envie de me prononcer avant de voir le film, parce oui, que de toute façon, sûr. ça me fait ni chaud ni froid, quoi. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Ouais. Il faut que Rebecca Ferguson revienne aussi, hein, parce que ça c'est un impératif. Ouais. Parce que là, oui, ça serait bien, on en a marre des conquêtes féminines qui restent juste pour un seul film et puis après on les oublie. C'est un peu... voilà. Mais pourquoi c'est mon préféré, le 4? C'est parce que finalement, il balance Léa Seydoux par une fenêtre. Oui, hein, voilà. Ça. Donc, ça explique... fait du bien quand même. Voilà, ça explique un peu tout. Voilà, donc moi aussi j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Je suis pas forcément pour que ce soit de nouveau le même réalisateur, mais on verra bien ce qu'il va proposer. On va passer ensuite à une nouvelle bande-annonce. Cette fois-ci, c'est sur Batman versus Superman. Un petit film d'auteur, Voilà. avec pas beaucoup de budget. Par Zack Snyder qui fait un film d'auteur, c'est quand même. donc, En cette fois-ci, ralenti. on a Ça va droit à durer une. 20 heures. On a droit à une grande bande-annonce où on a appris que le méchant principal du film serait Doomsday, donc un méchant qui est assez iconique. Pour les fans de DC, on passera tout ça. Alors pour moi qui suis pas du tout fan de DC et qui est totalement néophyte, pour moi Doomsday c'est un film avec Kate Beckinsale. Voilà, tu peux. Oui, et qui était bien pourri d'ailleurs. Ouais, qui était... Oh mon Dieu. C'était de la grosse merde ça. Voilà. Ouais. Je vais vous laisser donner votre avis, mais je voulais juste. Je vais juste commencer en disant que ces 2 minutes m'ont réconcilié avec le film et m'ont donné espoir pour ce film. Parce que Ah, parce que tu l'attendais pas à la base. je n'avais absolument aucun espoir pour ce film. Je ne Ah ouais. l'attendais absolument pas. Les 2 minutes de la bande-annonce m'ont vraiment impressionné et m'ont vraiment donné envie. Alors, j'espère que ça va pas me faire l'effet Man of Steel comme je l'attendais énormément et. Ah ouais. Finalement, ben, c'était vraiment la déception de 2013. Le premier trailer de Man of Steel était tellement beau, Voilà, c'est ça en franchement. plus. Ah, oh, je me souviens encore des. Oh, ça va être du Nolan avec du Mais Terrence Malick. voilà. Ah oui, non, Que mais nenni! c'était, Il n'y avait mais rien de c'était tout ça. clairement ça, quoi. Mais c'était tellement beau, en fait, la manière dont c'était fait et tout. Et quand tu vois le film, bon, moi j'aime bien le film, mais putain, quand tu le vois, tu te dis, putain, ça aurait pu être tellement ça aurait mieux, en pu être fait. tellement mieux. Donc, Zack Snyder, il sait faire des belles bandes annonces qui donnent envie. Enfin, la première me donnait vraiment pas envie. Hein. C'est quelque chose qui me. Mais celle-là me donne énormément envie, m'a redonné espoir dans le film. Et en plus, on voit Wonder Woman. Voilà. Ouais. Xena la guerrière. Enfin. Non, c'est Wonder Bah si, Woman. ça fait plus ça. Non, moi je suis désolé. Hein. Pour moi c'est le gros point noir de cette bande-annonce. Vraiment c'est Wonder Woman quoi. J'ai rien Allez, contre l'actrice, hein, mais par contre ouais, mais ça on fait la voit Xena quoi. 5 secondes, allez. Oui, on la voit 5 secondes, mais tu sais qu'elle va être dans le film et franchement ça fait. Je trouve que ça contraste trop quoi. Ça fait, je sais pas. Tu m'aurais dit c'est la bande-annonce du choc des Titans, pourquoi pas? Le costume est plus raccord, mais là je trouve que ça contraste trop en fait. Mais Sinon la bande-annonce en elle-même me donne envie. ouais. Alors moi la première comme toi me Ouais, donnait pas mais envie, je me enfin rappelle, on en avait parlé. Hein. me laissait complètement indifférent. La deuxième m'avait réconcilié un petit peu, puis là du coup c'est la Ah, c'est la troisième. troisième. Ah oui, bah, j'avais pas vu la deuxième alors. C'est la troisième et là ça me donne carrément envie. Ouais. Ouais. Et puis, enfin, moi, le dialogue de début m'a vraiment donné envie. Encore plus, parce que là, ça. En plus, avec. Mais j'espère que le film aura vraiment ce ton grave Ouais. et cette Et iconisation puis. vraiment qui font autour du personnage de Superman. Enfin, j'espère que ça ira vraiment là-dedans en fait. Et puis les. Ils vont les élever au-delà des super-héros et des, tu sais, limite des demi-dieux quoi. Ouais. Et puis Lex Luthor qui ramène un petit côté de folie slash humour dans l'abondance que franchement moi j'aime bien. Morgane, je sais que t'attendais le film depuis la première bande-annonce, donc est-ce que cette Ouais. bande-annence te donne encore plus envie ou t'as Mais froid? mille fois plus. Ouais. Alors je vais pas être. D'ailleurs, je vais pousser un petit coup de gueule là. Vas-y. Je vais m'autoriser. Parce que il y a une guerre permanente que je trouve un peu bête, surtout là en ce moment. C'est-à-dire qu'au moment où le trailer de Batman versus Superman est sorti, j'ai lu pas mal de tweets, pas mal de commentaires sur Facebook qui disaient. Ok, DC Comics a étalé Marvel, mais on n'en sait rien. Arrêtez de vous battre. Il Pour y a l'instant, deux c'est des bonnes écoles. annonces. Hein. Bah oui, voilà. Mais c'est surtout DC Comics. Ouais. Mais Oh, c'est surtout que voilà, t'as l'impression que les gens, il faut qu'ils se mettent dans un camp. mais Alors moi, je oui, mais suis on peut aimer. désolé. J'aime bien les Marvel, mais j'ai bien envie de découvrir ça aussi. Et je dis pas que j'aimerais pas. Voilà, On a c'est le bien. droit d'aimer les deux, hein. Non, mais Ben oui, oui, exactement. non, mais c'est surtout que. Alors, effectivement, de toute façon, je pense que DC Comics sont très forts. Ils vendent mieux leurs films que Marvel, je trouve, en matière de bande-annonce. Même Ouais, c'est Suicide ça, Squad, c'est. quand même, la bande-annonce donne vachement envie, le concept donne envie. Ok, les concepts chez DC Comics, ça donne envie. Ouais. Ok, mais je vois pas c'est quoi l'intérêt d'encenser DC Comics pour pour bâcher Marvel encore une fois. On peut ne pas aimer Marvel. Je suis le premier à être parfois un peu sévère avec leurs films. Ouais. Mais c'est pas parce que j'attends Superman, Batman contre Superman que je vais dire ok, Batman contre Superman, ok, c'est trop bien. Mais Captain America Civil War, ça va être de la merde. Tout à l'heure, quand on en a parlé, j'ai dit que j'attendais plus Batman versus Superman que Captain. Mais je vais pas dire que Captain America ça va être de la merde. Non mais je parle pas pour vous. Mais oui, bien sûr, mais je sais, moi aussi je les ai vus ces commentaires. Voilà. C'est tout. Je voulais juste dire. C'est tout. Laissez-moi tranquille maintenant. Donc sinon, la bande-annonce. Alors moi j'avais pas du tout aimé Man of Steel que j'attendais beaucoup. Ouais. Bah, pourtant, tu vois, les gens se basent sur des bandes-annonces alors que le premier film, pourtant, était vraiment pas bon. Je suis désolé, même pour ceux qui ont aimé Man of Steel, vous avez tout le droit de l'aimer. Personnellement, je ne l'ai pas du tout aimé et je trouve que c'est un très mauvais film pour démarrer une nouvelle franchise de super-héros chez DC. Donc voilà. Je vais le prendre à part aussi parce que bon, là, il y a un peu la. Je pense que Batman, ça va être une plus-value quand même. Et j'attends, et j'ai toujours été convaincu par le choix de Ben Affleck, je trouvais que c'était judicieux de le prendre, et en voyant les bandes annonces, je suis vraiment totalement convaincu. Au niveau de l'esthétique, Snyder en fait il a le chic pour faire des films qui je trouve sont beaux formellement mais qui me font chier. Sucker Punch est magnifique mais ça m'emmerde. Non mais c'est vrai. Et donc j'ai peur parce que même par rapport à la durée, hein, j'ai pas envie qu'il me fasse un truc de 3 heures. Ouais, ouais. 300 c'était moche. Ah oui mon dieu. Ouais. Ah oui c'est vrai. Mais là je me base surtout sur Sucker Punch que je trouvais magnifique mais que ça me. Watchmen c'était beau par contre. Ouais. C'est vrai, mais Watchmen c'est pareil, ça m'emmerde. Watchmen, j'ai trouvé ça interminable. Mais Snyder est un grand grand art, enfin visuellement. C'est un homme visuel quoi. Ah oui, non mais ça se voit. Hein. Je vais sûrement partir et ça. Après, moi j'espère qu'il va pas nous faire, il va pas nous la faire à la Sucker Punch parce que Sucker Punch, le problème c'est que oui le film est très beau, mais du coup il est sur son terrain de jeu donc il fait pas grand chose. Ouais. Snyder. Ce qui est bizarre, c'est que Sucker Punch, certains te diront le contraire, certains te diront que c'est un chef-d'œuvre qui embrasse la culture geek à fond, et que c'est un grand film visionnaire et tout, et profond dans son scénario, et t'en as qui, comme moi, trouvent que c'est totalement vide, et un peu... Je trouve ça con, en fait, Sucker Punch. Je trouvais que c'était un long clip pendant 2 heures, alors les 6 premières minutes étaient magnifiques, mais ensuite... Bon, ça... bon bref, on est là pour parler de Batman versus Snyder. Voilà. Non, je l'attends énormément. La bande-annonce m'a vraiment donné envie. Et ce qui est étonnant, alors peut-être que j'ai appris à réapprécier Henry Cavill, parce que je trouvais qu'il était très fade en Clark Kent le premier. Mais là, c'est un acteur qui je commence à redécouvrir, même si j'ai pas aimé Agent très spéciaux, là, le film de Guy Ritchie. J'ai trouvé plutôt classe. Et là, je me suis dit, mais c'est qui l'aurait gagné en classe. Charisme. Henry Cavill. Ouais. Mais moi je l'ai vu que dans Man of Steel. Man of Steel. Et par Man contre, j'ai regardé la série qui est géniale, les Tudors. Tudors. Les Tudors. Ouais. Les Tudors. Les Tudors, c'est la dynastie Tudor anglaise. Oui. Et il était très très bien aussi. Meunier. Quoi? Non, Meunier. T'as pas osé. Meunier, tu dors. Il ose tout le temps, Marvel. Malheureusement. Oui, donc tu disais par Henry Cavill. Que je trouvais que l'acteur en gagnait en classe, donc je pense qu'il peut me faire beaucoup plus adhérer à son interprétation de Superman que pour Man of Steel, que je trouvais que voilà, Man of Steel il a tous les défauts du monde pour moi. Il était vraiment plat. Non, mais il était lisse et le film c'était bourrin à mort pour rien. Et là, je pense que c'est ce qui me gêne dans Man of Steel. Il y a vraiment matière. Il se préoccupe pas beaucoup en fait des pertes humaines. Oui, mais justement, et donc c'est ça qui est bien dans ce film parce qu'on voit le côté débris. Batman va lui reprocher quoi en gros. Voilà, c'est ça. Et justement, on le voit dans le premier dialogue de la bande-annonce. Si justement Batman vs Superman pouvait permettre de réhabiliter ce faux pas de Man of Steel par rapport à la destruction au côté très bourrin, ça serait bien. Ouais, alors, ouais, mais je pense que. Parce que du coup, ça changerait complètement la vision qu'on peut avoir de Man of Steel, en fait. Ouais, justement, c'est ce que je vois, enfin c'est la seule chose qui me plaisait à peu près dans la première bande-annonce de Batman versus Superman, c'est qu'on voyait justement Ben Affleck, donc Bruce Wayne, courir dans les débris justement durant cette bataille pour sauver quelques personnes. Et on voit un petit extrait aussi dans cette bande-annonce de ce moment. Et donc du coup ça risque d'être assez intéressant. Je sais pas s'il l'avait prévu ou pas, ou si c'est par rapport à la réaction des fans, Alors là, les mais... gens vont dire, ouais, Snyder essaie de se racheter et tout. Enfin, Voilà. ça, bon, ça va Mais... forcément, on va forcément lui faire un procès là-dessus, c'est clair. Tout, enfin, il y en a beaucoup qui vont, ça va être un argument en plus pour démonter le film. C'est ça. Mais personnellement, moi, je pense qu'il y a, justement, qu'un réalisateur prenne conscience de ses erreurs, c'est bien aussi. Et si la meilleure manière qu'il peut avoir de le montrer, c'est justement Et puis c'est de le intelligent, proposer, c'est bah oui. intelligent la manière dont il le fait. Enfin, on parle sur des images qu'on a vues d'une bande-annonce, on peut pas parler vraiment du film, mais Non, de ce mais qu'on s'il a le vu. fait vraiment, c'est bien, Voilà. c'est une bonne intention en Ouais, fait. voilà. Et puis ben voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Batman versus Superman. On l'attend. Enfin, moi, ça a vraiment remonté mes espoirs pour le film. Moi je l'attends bien. Ouais. Donc le 23 mars 2016, Moi il je l'attends sortira. et je suis. Alors pour le coup, je vais pour le coup, je vais me ranger dans le clan Batman. Je suis plus Team Batman que Superman, obligé. Ouais, d'accord. Ben, ouais, enfin, on verra bien pendant le film. Bah non, parce que Ben Affleck, Henry Cavill. Enfin là, je parle vraiment d'un point de vue acteur. Ben Affleck. De toute façon, Ben Affleck pour moi, c'est un acteur qui est. Il était vraiment au fond du fond. Je trouvais vraiment que c'était. Il était mauvais avant. Je Ah sais bon? pas ce qui s'est passé. Ah oui, mais franchement, quand je voyais Armageddon, quand je voyais Pearl Harbor, je trouvais Ah bah naze. oui, c'est autre chose. Oui, Et là, oui. je sais pas ce qui s'est passé depuis. Depuis qu'il est passé derrière la caméra, Ben Ouais. Affleck, il s'est révélé, quoi. C'est ça. Il a complètement changé. Peut-être que le fait C'est... d'avoir des acteurs à diriger, ça lui a permis de se remettre en. Je sais pas, En cause. de. Ouais, un peu, ouais. Ouais, ça se trouve, il s'est dit, ah, c'est ça être un bon acteur. Ah ouais, j'étais pas du tout en fait pendant ces années. C'est vrai que quand tu repenses à Armageddon puis que tu vois Gone Girl, tu te dis. Mais oui. Ouais. Même quand tu vois. Il avait fait aussi un autre film. Argo? Oui, bah Argo, Ouais. oui, Argo qui est excellent aussi. Il est très très bon dedans, je trouve. Donc, Mais il a fait Gone Baby Gone aussi. Ouais, justement. Bon, on va passer à autre chose. On va passer à quelque chose. Oh. Voilà. Je pense qu'on va tous dire oh, parce que là, C'était tellement évident. c'est pas possible. Donc, Hunger Games. Donc, on en avait parlé. Si vous voulez écouter nos avis sur le film. De toute façon, je pense qu'on en parlera un petit peu durant Ah pendant qu'on bah c'est parlera pas de la fini news. hein. On pensait que Hunger Games on en avait fini, Voilà, finalement c'est ça. non. La première chose que j'ai dit quand je démarrais sur Hunger Games dans le podcast Movies Nerd, c'est j'ai dit enfin, enfin ça s'arrête. Et là, ben, tout content d'avoir fait plusieurs milliards de dollars avec sa petite franchise, la tête du studio Lionsgate, donc Michael Burns, non, c'est le vice-président, pardon, qui a révélé. Qu'il souhaiterait faire plusieurs préquels du film, et il souhaiterait aussi avoir Suzanne Collins, l'auteur des romans, qui serait au scénario. Elle n'a pas fait de livre sur une certaine préquelle, mais Ouais, ce serait des idées, ouais, une idée entre guillemets originale, quoi. voilà, Pas ça, basée sur un roman. ouais, c'est ça. Et donc du coup, je crois que j'ai lu quelque part que Jennifer Lawrence ne serait pas de la partie. Bah tant Ça, c'est mieux. la bonne nouvelle, ça. Voilà. Elle se vend pas, mais je pense, honnêtement, je pense qu'elle s'en fout d'Hunger Games, hein. A vu la carrière qu'elle a, je pense qu'Hunger Maintenant, Games, oui, c'était un elle s'en tremplin. fout. Mais Elle sans... a continué à jouer dans la saga, parce que Parce qu'elle voilà, a signé le fallait. contrat. Elle était sous Elle a signé le contrat, mais... contrat, fallait terminer, puis je pense Ouais. qu'elle est assez intègre aussi pour pas planter des hordes de fans avec une nouvelle actrice qui aurait repris son rôle pour les deux derniers films. Mais là, je pense que oui, clairement, elle Oh bah s'en fout franchement, maintenant. oui, hein. Depuis Maintenant, là. c'est fait. Elle sait que voilà, elle a son ticket pour aller jouer chez un peu tout le monde, donc maintenant, c'est bon, Mais sans quoi. cracher dans la soupe pour autant. Et ça, c'est bien. Oui. Elle fait les promos, par exemple, pour le 4, elle a été à Paris. Enfin, disons qu'elle n'est pas obligée de faire des avant-premières autour du monde. Elle est très honnête. C'est vraiment une femme respectable, franchement. Donc voilà, il a juste dit qu'il voudrait faire des préquels où il y aurait de nouveau des Hunger Games, donc où on verrait de nouvelles éditions du Hunger Games. Donc ça risque d'être palpitant. Hein. je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein, mais Qu'est-ce que vous en pensez? Que les franchement, on s'en fout. Ouais. Ouais. C'est juste prendre les fans pour des vaches à lait, quoi. Mm-hmm. Bon. Ouais, ah ouais, là, clairement. Hein. Mais c'est vraiment très très visible. Hein. Ah ouais. C'est ça, le pire voilà, c'est qu'il s'en cache pas, quoi. C'est ça devient carrément malsain. Ouais. Et donc du coup, ben voilà, une nouvelle préquelle. On essaiera, enfin, on verra qu'est-ce qu'ils annoncent. Le nombre de films qu'ils vont faire avant de s'arrêter, avant de se rendre compte que... Tant que ça marche, à mon avis, tant que ça marche. Et ouais. les fans, je pense qu'ils vont même pas... Enfin, je vais pas faire une généralité, mais je pense que beaucoup ne vont pas réfléchir, ils vont se dire « Oh là là, c'est dans l'univers d'Hunger Games, oh, bon, on va y aller puisqu'on a adoré les quatre. » Donc du coup, il y en a beaucoup qui vont se dire ça, les films vont cartonner, et ça va ramener plein d'argent, ils vont être contents, et voilà. Non, ça... C'est triste. Et la pire des choses, c'est que je sens qu'on va devoir aller les voir. Ah oui, mais... C'est ça le pire. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire, bah, n'y va pas. Oui, mais j'ai une curiosité un peu malsaine malgré moi. Et à cause de la carte le passe, voilà, c'est ça d'avoir la carte limitée. Non, mais le souci, c'est que quand t'as découvert... Enfin, quand tu... Même... Ouais. Enfin, on va dire que j'aime la moitié de la saga Hunger Games. C'est le 2 et le 3, comme on en est parlé. Et dit, c'est pareil. Et toi, Morgan, c'est 1 sur 4. Ah ouais, c'est moi, j'ai tout fait à l'envers. Non, alors... parce que le 2 est pas si mauvais. D'accord. Le 2, ça va. Ok. Mais bon. Et donc, voilà, là, on a vu ces 4 films. Donc, bien sûr, il y aura quand même un petit côté curieux de notre part, je pense, à aller voir. Après, il faut voir les bandes annonces, etc. Mais voilà. Mais. Même pour. Voilà, je pense que ce sera plus. plus en téléchargement qu'en salle de cinéma parce que j'ai pas très envie de. Je préférerais limite même que Peter Jackson nous annonce qu'il va faire le Silmarillion. Ah ouais. Là, Truc le plus improbable qui soit, et ça me rendrait plus joyeux que de savoir qu'il va y avoir des prequels d'Hunger Games. Mm-hmm, ouais. Donc voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou on peut passer à la prochaine news qui sera peut-être plus intéressant. Passons. Ouais, voilà. Oui, qui sera beaucoup plus intéressant, justement. Exactement. C'est plutôt une bande-annonce du prochain Spielberg, Le Bon Gros Géant, qui est une adaptation d'un livre de l'écrivain Roald Dahl, qui est un de mes écrivains préférés. Donc, on dévoile pas vraiment énormément dans la bande-annonce. Et donc le film sortira le 20 juillet 2016. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de la bande-annonce? Ah ben moi ça me tente bien, c'est très féerique et tout, donc enfin j'espère que, enfin c'est surprenant de voir Spielberg dans cet exercice. Il revient à des films plus. Il revient à des, ah oh, ça c'est bien. Ça. Ouais. Mais en même temps ça donne envie parce que il y a longtemps qu'en fait Spielberg avait pas fait de films un petit peu plus légers. Bon, il y avait Tintin, ouais. mais plus fantastique, mais ça fait très longtemps. Ouais, donc ça c'est cool. Je pense à, je crois que c'est AI, le dernier vraiment. AI, ouais, j'allais le dire. Dernier vraiment fantastique où il y avait de la science-fiction, enfin voilà. Là, c'est plus dans le fantastique, mais. Et donc, Morgan Steven Spielberg, deux mots, j'attends le film. Et aussi parce que Roald Dahl, c'est quand même un des rares écrivains dont les livres que je n'ai pas lus, mais n'ont pas l'air d'être écorchés une fois qu'ils passent au cinéma. Ouais. J'ai un souvenir très fort du. Charlie à chocolaterie de Tim Burton, que j'adore, qui pour moi est un grand film injustement boudé. Et le livre est très bien aussi. Le livre est excellent. Charlie à chocolaterie. Mais je suis pas un grand lecteur, donc je me base vraiment sur les films. Et aussi le film de Danny DeVito, Mathilda. Ouais, mais ça, c'était un cauchemar de jeunesse, ce film. Ah, mais cauchemar dans le sens pas bien ou dans le sens. Non, enfin, j'ai fait des cauchemars à propos de ce film, je sais pas pourquoi. Mais traumatisé aussi, avec la directrice, Mauvais souvenir. Ah ouais. Mais un très bon film. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est un super film. On le revoit. Et même très. Qui est vraiment très glauque, quoi, je trouve. Ouais, pour les enfants, c'est vraiment. Enfin, moi, je l'ai vu quand j'avais 5-6 ans et j'avais vraiment des cauchemars à propos de ce film, hein. C'est un des premiers films qui m'a vraiment terrifié. Bah oui, nous, j'ai un souvenir de mon institutrice qui nous le montrait en CE1 pour nous calmer. Non, ça me calmait pas. Hein. Je veux dire, c'est quand même histoire d'enfants enfermés, des enfants dans une école par une. Ah ouais, non, mais c'est glauque comme truc. Ouais, mais justement, les Roald Dahl, il a un univers qui, en tout cas au cinéma, me plaît beaucoup. Et puis Fantastic Mr. Fox, en général. Enfin, je parle. Ouais, d'ailleurs, Anderson, il passe demain à l'heure où on enregistre. Ouais, au jour. mais j'ai pas trop envie de le voir parce que Wes Anderson, je suis pas fan. Mais, alors moi j'ai oui, je sais que vous avez Wes tous Anderson. Les deux du mal avec Wes Anderson. C'est pour ça que je l'ai dit parce que je pense que personne. Ah, mais The Grand Budapest Hotel est magnifique. The Grand Budapest Hotel est super. Hein. Ouais, excellent. Mais non, pour revenir au Spielberg, ouais. Non, je l'attends parce que c'est vrai que Spielberg qui revient vers un film plus léger, peut-être plus enfantin, ça m'intéresse parce que même si Le Pont des Espions est magnifique et voilà, mais ouais. Mais franchement, ça me fait plaisir qu'il revienne à... parce que ce mec touche à tout de toute façon. Ouais. Il a le don. C'est pour ça que je l'appelle le tout puissant parce que ouais. Et franchement, j'ai honte quand je relis mes anciens posts d'il y a 4 ans où je disais que Spielberg était qu'un faiseur. Mais mon Dieu, mais quel idiot j'étais. Comment t'as parce que j'avais pas vu. Ben, je pense que ben, j'avais pas vu Minority Report, j'avais pas vu Les Dents de la Mer, ouais. J'avais même pas vu Jurassic Park, j'avais pas, enfin voilà, j'avais plein de lacunes. Je me basais vraiment. Quelle honte. Je sais. Je me basais vraiment sur les Spielberg pas bien. Effectivement, je me basais sur Lincoln, sur Cheval de Guerre, qui est pas un mauvais film. Non, Cheval de Guerre, guerre quand même. Donc, il y a quand même des, il y a des bonnes, il y a des scènes magnifiques. C'est pas son meilleur film, ouais. il a des scènes assez. Enfin, les trucs dans Cheval de Guerre, c'est quand même, c'est dingue, quoi. Tout le plan séquence où le cheval court à travers les tranchées, enfin, c'est, moi, je l'ai en Blu-ray, c'est franchement, j'ai acheté ça en Blu-ray, alors que c'est le genre de film que je regarde une fois parce que, les animaux comme ça qui souffrent, moi, ça me déchire trop le cœur, donc, mais ce film, il est vraiment magnifique, ouais. Quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit le, enfin, Spielberg, qui, bon, Lincoln, c'est. Mais en plus, Spielberg avait. Qui revient vraiment là, parce qu'il il a énormément de projets, hein. C'est assez dingue quand on lit tous les projets. Je sais pas s'il arrivera à tous les faire, hein, parce que là, c'est, il y a au moins trois films qui doivent venir en 2016-2017. Ça me paraît assez peu quand même pour faire. Tout ce qui n'est prévu, mais bon, voilà. En tout cas, le bon gros géant est normalement déjà filmé, donc ça, il n'y a pas de souci. Et moi, je suis très impatient de le découvrir parce que ça. Et puis, première collabo avec Disney, ouais, en plus. Donc, et puis, en plus, on retrouve. Reste à voir ce que les deux vont donner, quoi. Bon, l'image de synthèse. Pas que ça donne du Burton, parce que Burton chez Disney. Bon, pardon? Faut pas que ça donne un effet Tim Burton. Tim Burton, quand il est allé chez Disney, ça donnait Alice. Ouais, mais c'est, ouais, enfin, c'est pas la même mentalité, hein. Steven Spielberg. C'est sûr, Tim mais bon. Burton, mais ça reste quand même, enfin, Tim Burton est quand même un grand réalisateur malgré tout. Mm-hmm. Même si. Mais Spielberg, enfin voilà, non, Spielberg, pour moi, c'est quand je pense cinéma, je vois Spielberg, quoi. Ouais. Il a tellement tout fait. Et même, enfin, je veux dire, c'est même pas qu'il a tout fait. Il y a quand même, parmi ses films, il y a quand même 4-5 films qui ont révolutionné le cinéma. Jurassic Park, voilà, Les Dents de la Mer, il a apporté plusieurs pierres à l'édifice. Ouais. Plusieurs, même pas qu'une. Pour moi, c'est respect total. Pour moi, ce mec est un dieu. Et c'est comment on peut passer justement du Pont des Espions au Bon Gros Géant. Enfin, à Ready Player One, à Robocalypse. Voilà. Enfin voilà. Mais j'ai l'impression dans ses futurs projets, ça va vers plus le fantastique, la science-fiction. Ouais, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il retourne un peu, même si les derniers films, Lincoln, je suis un peu moins fan. Je trouve que c'est un moins bon Spielberg. Ouais. Parce que c'est... Mais bon, voilà, c'est trop... C'était académique. C'était vraiment le film à Oscar. Alors quand on voit Le Pont des Espions, on se dit ok, il peut nous raconter la grande. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien, que j'aime mieux Cheval de Guerre, c'est nous raconter la grande histoire, donc on va dire la Première Guerre mondiale, par le biais d'une petite histoire. Et là, et c'est en ça, parce que voilà, Spielberg c'est un grand humaniste et Cheval de Guerre, il a un tel amour. Pour ses sujets et même pour son quand il filme le cheval, il le filme avec amour, quoi. Il y a aucun et c'est pas de la naïveté. Il donne vraiment une identité au cheval, c'est un personnage, quoi. Ouais. La manière dont c'est pas juste le je sais plus comment il s'appelle le jeune là, ouais. qui a le cheval, mais c'est pas juste le duo, c'est que chacun évolue, il a vraiment c'est ça qui est fort dans ce film là surtout, je trouve, dans Cheval de Guerre. C'est ce qui est fort, en fait, je trouve, c'est qu'il arrive vraiment généralement tu te dis les films où le personnage central est un animal, c'est souvent c'est des films dont on aime bien se moquer. Belle et Sébastien, c'est un peu facile d'ailleurs. Ouais, ouais, mais enfin, je l'ai vu hier soir, celui-là, à la télé. Ah oui. Mais c'est facile en fait. Et lui, il arrive vraiment, il arrive à être bouleversé, quoi. Alors que le cheval, c'est pas, en plus, c'est pas l'animal le plus expressif du monde, quoi. Ouais. Donc voilà, le bon grand géant, la bonne annonce dévoile pas énormément. On non, attend. C'est plus ouais, du teaser ça, que de la bonne annonce. Et bon, ben les effets spéciaux, c'est pas fini, ça, ça se voit. Ça ouais. sent. Mais bon, on attend. Le 20 juillet 2016 pour découvrir ce nouveau Spielberg. Voilà. Ouais, ça va être un bel été, je pense. On se dit ça chaque fois, de toute façon. Ouais, enfin, cet été, chaque année, ça va être une bonne année. Ouais. Ah, cet été, oh mon dieu, ouais. Ah, bon. Ouais, non, plus jamais. Donc, on va passer à une autre bande annonce. Cette fois, on va faire très vite parce que c'est. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. En plus, je ne l'ai pas vu. Donc. Ouais, en plus, tu ne l'as pas vu. Donc, c'est la bande annonce de Tarzan, le nouveau film de Alexander Skarsgård, voilà. Ah non, pardon. Non, c'est l'acteur principal. De David Yates, pardon, qui a réalisé les Harry Potter. Ah ouais, d'accord. En plus, oui. Quelques oh. Harry Potter, ouais. Je sais pas lesquels, mais voilà, il a réalisé quelques. Et Harry Twilight, Potter. Non. Les derniers, lui, les derniers épisodes à partir de l'Ordre du Phénix, pardon. Voilà. À partir de l'Ordre. Non, du non mais Phénix. Il a pas fait. Non, c'est pas lui qui a fait les derniers Twilight. Je non. sais pas. C'est Bill Condon. Ah, c'est Bill Condon, ok, d'accord. Oui, d'accord. C'est Bill Condon, c'est celui qui fait La Belle et la Bête. Donc voilà. Ah oui, d'accord. J'étais même pas au courant qu'il y avait un nouveau Tarzan qui était adapté. C'est très original. Hein. C'est non, mais non plus, c'est un peu ouais. tombé comme un cheveu. C'est très original en plus, hein, comme projet. Comme un singe sur sa liane. Donc les affiches sont absolument horribles. Et la bonne annonce, c'est encore pire. Enfin. Après, on peut pas juger. Et puis à première vue, les primates, ça, c'est pas ceux de la planète des singes. C'est ce ah que ouais, je pensais. À mon avis, en on regardant... sent bien qu'Andy Serkis, il est pas derrière. C'est ça. Ah non. C'est non. ça. C'est ce que je regardais. On est vraiment. Enfin, c'est ce que je pensais en regardant la bande annonce. C'est on a vraiment reculé par rapport à la planète des singes au niveau technique, parce que là, c'est vraiment moche. Et enfin, tout l'univers est moche, je trouve. Même si bon, après, les acteurs qui sont dans le film sont. C'est de bons acteurs. Il y a Christophe, je sais que t'aimes pas Christophe Waltz, Samuel L. Jackson, John Hurt. Non, j'ai rien contre lui. Non, il aime bien Christophe Waltz, il en a juste marre qu'on le prenne toujours. C'est pour ça. Le rôle. Et là, il est encore en méchant. Donc, Exactement. ouais. Et j'avais espoir pour Spectre. Hein. Pour Spectre, je me disais, il va être plus soft et en fait, pas du tout. Donc. Et Alexander Skarsgård qui prend le rôle de Tarzan. Le fils de Stellan Skarsgård. Voilà, je sais pas si j'ai déjà vu un film avec cet acteur, mais bon. Voilà, je. Bah, son père, il joue dans. Oui, Thor. Oui, son père, mais je veux dire son fils. Et surtout dans Nymphomaniac. Il joue dans Nymphomaniac et Alexander Skarsgård, il joue dans Mélancolia. Mélancolia, j'ai pas vu, mais Nymphomaniac, donc ouais, de toute façon, ça fait un petit. Enfin, ça fait un an que je l'ai vu, donc. mais oui. Tel père, tel fils, hein, ils choisissent les grands. enfin, bon, pour Tarzan. Voilà. Oui, non, bon, oui. Bon, donc, Edith, t'as vu la bande-annonce voilà. Oui, j'en fous. C'était tellement moche. Ouais, ouais, mais moi aussi, pour moi, le seul Tarzan valable, c'est le Tarzan, je vais dire, avec Phil Collins. c'est ce qui était. Non, mais c'est, ouais. non, c'est vrai que le film Disney, voilà, vraiment. Mais il et est magnifique. Plus, c'est vraiment un des plus dark au niveau de sa fin. non, non, non, non. Ouais. c'est la réplique. C'est, voilà. c'est vraiment. Enfin, moi, ça m'avait assez surpris quand je l'ai revu récemment. Tarzan, c'est vraiment assez violent au niveau de la fin. Ouais. Donc voilà. Mais tout est bien, la forme, le fond. C'est un très très bon film. Et au lieu d'aller voir ce film qui a l'air très original, encore une fois, regardez plutôt le. C'est ça en fait, c'est pourquoi tu te dis encore un Tarzan. Oui, surtout que l'année dernière, on en avait eu un autre, un film allemand là, qui était hyper moche. Ouais. Ah ouais, tout moche avec Tarzan. Tarzan à notre époque. Ouais, c'est ça. Même la bande-annonce était cheap, on aurait dit une bande-annonce des années 2000 avec les musiques. Oh là là, c'est horrible. Donc voilà, enfin Tarzan, je crois que ça a été trop touché, et trop fait. Mais donc, apparemment, il y a ceux et Christophe Lambert qui sont pas aussi nuls que ça. Christoc. Ouais. Mais ça, c'est l'après Tarzan, je crois. Il le fait façon hook. Ouais. C'est là. Ouais, je sais pas ce que c'est bizarre. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai jamais vu. Mais, Christophe Lambert en Tarzan. bon, il a bien fait Vercingétorix. Hein. Ouais, justement. Sans lunettes mauves en plus, faut y croire. justement. Bon, ouais, oui, bah, on va passer à quelque chose de plus intéressant hein, quand même. Ouais. À la bande-annonce, la toute première bande-annonce de X-Men Apocalypse de Bryan Singer, qui a été dévoilé avec Taï. Ah ouais, alors là. Ouais, mais bon, c'est pas le plus important. Hein. Si. Morgan est heureux. Justement, si, c'est le plus important. On découvre Oscar Isaac dans un des plus grands méchants de la saga X-Men. C'est Apocalypse. D'ailleurs, pour lui, ils n'ont pas modifié le design du méchant. Si. Là, ça me semblait. Ouais. Et il fallait. Hein. Ouais, c'est vrai parce que moi, j'ai pas c'est fait un gaffe. Peu cheap hein, dans les comics. Mais ça fait toujours très cheap. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de la bande-annonce ? Est-ce que vous avez aimé les derniers ? Et moi, je suis super content que Bryan Singer revienne à la réalisation, en tout cas. Mais moi, Days of Future Past, c'était carrément mon film de super-héros l'année dernière. J'ai été dans mon top, j'avais adoré. Je l'ai pas revu depuis, faut que je le voie. Ouais, enfin, faut que je voie la version Rocket. Ouais, faut que je le voie aussi. Paraît qu'elle est encore meilleure. Ouais, et donc ouais, il paraît qu'elle est encore meilleure. Alors que le film, déjà, à la base, il est génial. Donc là, du coup, pourquoi pas. Moi, déjà, l'idée de voir nos X-Men, alors les X-Men contemporains, hein, pas ceux... Pas ceux des années 60, 70. Voilà. Déjà, c'est bien de les revoir parce que finalement, la dernière fois qu'on les a vraiment vus dans un film vraiment centré que sur eux, c'était l'affrontement final. Ce serait bien de voilà. Sauf que là, bon, on va montrer leur jeunesse, mais du coup, c'est bien de se recentrer sur ces personnages-là aussi. C'est intéressant. Et puis c'est le casting. Et quoi. Puis James McAvoy qui se rase les cheveux quand même. Ouais, en plus, ouais. C'est vrai que le casting est intéressant. Le casting, rien à dire. Il y a un bon casting. Enfin, là, pour moi personnellement, c'est un casting qui me convient bien. Je suis content des acteurs qu'ils ont choisi pour les personnages. Enfin, je trouve que Sophie Turner en Jean Grey. Ouais. Et hormis le fait que ce film, il va y avoir des petites incohérences physiques, mais sinon je trouve qu'elle correspond bien. Et même Ty Sheridan en Cyclope, c'est une bonne idée, parce qu'autant physiquement il a vraiment la, il a vraiment, il est parfait, il est parfait, voilà, il est parfait, il est parfait. Ça lui va très bien, donc moi je suis assez impatient de voir. La bande annonce est pas parfaite, je trouve, mais... Elle est pas très jolie. Le film est pas signé aussi. C'est ça, oui. Le film est pas signé aussi. Donc tu sens que à mon avis, il y a une impatience aussi au niveau des fans derrière, et ils ont voulu sortir ça pour faire plaisir. Oui. Maintenant voilà. Après Oscar Isaac. Alors Oscar Isaac qui est vraiment un très bon acteur, je trouve. Maintenant c'est vrai que le costume me fait pas rêver. Il faut voir dans le contexte, je pense. Mais c'est vrai que moi j'aime X-Men parce que malgré le fait que ça soit des mutants avec des pouvoirs, il y a un vrai message derrière, quand même assez dingue et tout. Je veux dire, Iceberg, voilà, c'est un pouvoir pas anodin, ça, mais là c'est vrai que je trouve qu'en fait ça contraste vachement avec tout ce qu'on a pu voir dans les X-Men jusqu'à maintenant. Alors moi je dis ça, mais j'ai jamais lu les comics non plus. Donc non, mais c'est ce qui fait la force des comics, c'est qu'en fait il y a pas, enfin si, il y a des mutants établis, mais ils peuvent en créer ou en enlever certains sans souci. Donc bien sûr il y a ceux qui sont établis, donc Jean Grey, Cyclops, Tornade, etc. Mais ils peuvent toujours en créer des nouveaux avec des nouveaux pouvoirs, et voilà, moi je pense que c'est une des forces de X-Men. Et en plus pour moi la plus grande force de X-Men, c'est qu'il y a un message derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que visuellement, en fait, X-Men c'est quand même la franchise de super-héros qui a réussi à échapper au cliché des héros qui sont tout le temps en costume. Ils ont bien leur costume, mais à part Tornade qui a une cape, quoi, c'est un peu la plus cliché, je veux dire, visuellement au niveau de l'équipe. C'est vrai que quand tu vois Apocalypse là avec son costume hyper, ça fait très, ça contraste vachement, mais peut-être qu'après, comme tu dis, dans le contexte, ça aura pas le même impact et que ça passera beaucoup mieux. Et puis comme c'est, enfin, Ouais, je pense que ça va passer. Ouais, et puis comme il dit dans Apocalypse, enfin Apocalypse a été connu sous différents noms, Ra, etc. Enfin, il y a un côté très égyptien aussi, je trouve, dans le costume justement, mais aussi dans. Dans le costume, pas du tout, mais. T'as toujours eu attrait à la mythologie. Non, mais il y a des. Mais y a là, y a plus des... jamais. Non, avec... mais pas directement, mais il y a une inspiration. Bah, c'est pas parce que t'intègres quelques idées. C'est pas un costume typiquement égyptien. Non, mais j'ai jamais dit ça. Il y a quelques inspirations. C'est pas parce que tu mets un ou deux hiéroglyphes et puis. Tu déformes mes mots, Eddie. Une coiffe de pharaon que voilà, t'as un costume égyptien. Je chipote. Non, mais voilà, moi je suis très impatient. Morgane, t'as pas pu encore parler, donc je te laisse parler. Non, bah c'est. Non, bah oui, j'attends beaucoup, beaucoup le film. Pas que pour des raisons de casting. Effectivement, je suis pas objectif parce que je vais réhabiliter le truc. Ty Sheridan, pour moi, c'est voilà, c'est, ceux qui me connaissent savent que c'est l'acteur de cœur. J'aime cet acteur à tous les points de vue, c'est pour voilà, donc voilà, je instant fanboy activé, Ty Sheridan, je t'aime, je vais revoir le film rien que pour toi. Voilà. Maintenant, le cinéphile va revenir. Je me déplace récemment là, j'ai vu le film de zombies et tout, c'est parce qu'il était dedans. Hein. Je regarde tous les films avec Ty Sheridan. Guide de survie zombie, c'est ça ? Enfin, je sais plus maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais, le film en VF, il a plein de noms différents, qui est pas terrible d'ailleurs. Ouais. Enfin, qui est sympa, mais sans plus. Mais vraiment parce qu'il était dedans. Hein, ouais. Mais vraiment, je vais voir les films que parce qu'il est là. Voilà, Ty Sheridan, pour moi, c'est le niveau au-dessus de tout. Voilà. Mais pour revenir sur X-Men, j'adore X-Men depuis le début. Ouais. Alors avec des passages à vide, forcément X-Men 3 est vraiment merdique. Et les X-Men Wolverine m'intéressent. Alors j'ai pas vu le premier, mais le deuxième. Bon, le premier, bon, c'est pas la peine. Il était pas mal le deuxième, mais bon, c'est franchement, il y avait. Le deuxième, c'est le combat de l'immortel. Oui, c'est au Japon. Au Japon, ouais. Ouais, mais j'aime pas trop non plus. Mais je trouve pas intéressant les. Voilà, c'est ça, c'est que c'était pas spécial, c'était pas mauvais, mais c'était pas intéressant. Mais voilà, les X-Men de Bryan Singer, bon, j'ai une petite préférence, malgré tout, pour le X-Men de Matthew Vaughn. Je trouvais qu'il avait vraiment redonné un nouveau souffle à la franchise. Et j'avais d'ailleurs très peur en voyant que Matthew Vaughn ne remplissait pas pour le deuxième. Mais au final, c'était pas plus mal, vu que je trouvais que Day of the Future Past avait vraiment. Enfin, en même temps, ça te dérange pas, parce que c'est pour faire Kingsman. Exactement, mais à l'époque je le savais pas. Sauf que là j'ai. Bon voilà. Mais là j'attends énormément le 3. Alors la bande-annonce, j'ai tiqué sur 2-3 trucs, mais c'est des détails purement visuels. Mais en même temps, le film est pas terminé. Ouais, il sortira le. Il y a 2-3 plans, c'est pas très très beau. Ouais, donc ils ont le temps de le peaufiner. Et du fait, il y a quelques plans dans la bande-annonce où on se dit, ah, c'est pas très joli. Sauf qu'on voit taille, c'est très très beau. ça revient, c'est naturel. Mais sinon, voilà, en tant qu'adorateur des X-Men, j'ai vraiment hâte de le voir et ça promet beaucoup. Je pense, et voilà, je vais encore. C'est encore un truc qu'on dit chaque année, mais je pense que cette année on peut avoir des choses vachement bien en matière de super-héros. Ouais. Vraiment tout. Ouais, ouais. Justement. L'univers confondu, on a quand même des choses tout qui nous attendent, ouais. Qui ont l'air. Tout peut arriver, ouais. Tout peut être très bien et tout peut être très bien, ou une partie. C'est vrai. Après, Bryan Singer, il a tellement, pense, il a tellement un amour pour ses personnages que. Oui, parce que. Il est X-Men, c'est lui, quoi. C'est qu'il. Et quand il fait le premier, surtout dans le premier, je trouve, et dans le deuxième, l'amour qu'il a pour ces personnages-là transpire tellement à travers le film que du coup, oui, parce qu'à la base, c'est difficile de dire qu'il peut se tromper. Il a eu la chance que Sam Raimi n'a pas eu, c'est qu'il a pu continuer à faire les films sans vraiment que le studio soit derrière lui à fond tout le temps pour lui imposer des trucs. Il a pu faire à peu près ce qu'il voulait, surtout pour Days of Future Past, où ils l'ont laissé un peu faire ce qu'il voulait. Donc là, je suis super impatient. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il est si bien, le film, de toute façon. Mais, on sent qu'il est libre. Oui, oui, mais c'est ça. Ouais. Voilà, donc on l'a compris qu'on attend aussi très impatiemment X-Men Apocalypse. Maintenant, encore une autre bande-annonce. Hein. Je vous avais prévenu, c'est beaucoup de bandes-annonces. Cette fois-ci, on va pas. Enfin, moi personnellement, j'ai pas vu le premier, donc je vais pas pouvoir en parler. J'ai vu la bande-annonce sans vraiment savoir de quoi ça parlait. C'est la bande-annonce de Independence Day 2, le nouveau film de Roland Emmerich, pardon. qui sortira le 27 juillet 2016. On retrouve... Oh, l'été qu'on va avoir. Oh là là là là. Ah bon, t'es impatient pour celui-là? Mais j'adore Roland Emmerich, mais on va en parler. Donc on retrouve Jeff Goldblum, apparemment, qui était dans le film, puisque je ne l'ai pas vu. Oui. Mais voilà, expliquez-moi si vous avez aimé la bande-annonce, si vous êtes impatient de le voir, et si vous aimez le premier film déjà aussi. Bah, Eddie va lancer les hostilités d'abord. Ah oui, puisqu'il l'a vu récemment apparemment. Et il n'aime pas. Ah, moi en fait, c'est un peu Je t'aime moi non plus avec Roland Emmerich. Moi, c'est Je t'aime pour un film. J'adore. Lui, en fait, Eddie, il adore les films que je déteste, mais il n'aime pas les films que j'aime de Roland. Je crois qu'il aime bien Anonymous. C'est normal. Anonymous, t'aimes bien, je crois. Ah non, il y a des problèmes, Anonymous. Ah bah, j'ai rien dit alors. Non, j'ai rien dit. Non, Anonymous, c'est un essai raté. Le pire, c'est que je revérifie bien ma note en même temps. Non, Anonymous, je n'aime pas. Enfin, j'aime pas, je déteste pas, mais pour moi, c'est raté. Bref. Oui. Donc oui, Roland Emmerich, en fait, moi, j'aime bien Le jour d'après. Ouais. C'est vrai, c'est du gros film catastrophe, mais c'est pas si con que ça. Quoi. Non, pas c'est, que. Tu, c'est en fait, parce qu'en fait, moi, ce que je reproche en général à Roland Emmerich, c'est que c'est un peu le même. C'est un peu ce que je reproche à Michael Bay aussi, c'est que il y a rien en fait. Il y a pas de. C'est que du divertissement avec rien derrière. Et ça, ça m'emmerde un peu. Oh. Sauf pour quelques films. Alors autant je déteste 2012. Pour moi, c'est une daube absolue. Le jour d'après, j'aime bien. Stargate, c'est super bien. Godzilla, je sais que c'est pas terrible, mais moi j'aime bien. Parce que je préfère limite le Godzilla de Roland Emmerich à celui de 2014. À celui, ouais. Alors que en 2014, j'avais bien aimé en salle, puis finalement quand je l'ai revu, je me suis rendu compte que ouais, en salle c'était sympa, puis chez toi si tu te fais pas chier, alors que celui de Emmerich. Celui de Emmerich, j'aime bien. Il y a je sais pas, il y a une atmosphère qui me plaît bien, je sais pas, j'aime bien. Et du coup, Independence Day, moi j'aime pas du tout. Mais alors pas du tout, parce que déjà Roland Emmerich, Will Smith. Alors moi déjà ça c'est une addition qui fonctionne pas chez moi, ça c'est pas possible. Parce que l'un comme l'autre, alors Will Smith, moi il me gonfle, je le trouve. Je trouve que on le surestime à mort. Pour moi, c'est un acteur pitoyable, quoi. Il sert à rien. Il est vraiment. J'aime pas Matt Damon, mais alors je crois que c'est pire pour Will Smith. Donc c'est pour dire, j'ai horreur de Will Smith. Et du coup, Independence Day, j'avais trouvé ça chiant. Alors on me dit ouais, mais c'est fun et tout. Oui, mais je m'en fous que ça soit fun. Moi, ça m'emmerde. J'aime pas ça. Et je trouve pas ça drôle. Et pourtant, il y a Jeff Goldblum, quoi, dedans. Et donc là, la bande annonce, ils ont beau me la sortir en ultra HD, 4K, tout ce qu'ils veulent, je m'en branle. Moi, je trouve ça nul à chier. Ouais. Ça me parle pas. Ça me laisse complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un Independence Day 2, franchement. Déjà, on serait bien passé du premier. On n'a pas besoin de voir la suite. Donc voilà. Okay. Moi, ça me plaît pas. Je m'en fous complètement. Et je suis dégoûté parce que je sais que ce film va fonctionner en plus. Et ça m'emmerde parce que ça va encore prendre de la place au box-office pour rien. En regardant la bande-annonce, j'avais l'impression que c'était un peu un Transformers rencontre rencontre Alien rencontre Star Wars fait par maintenant j'ai oublié son nom, génial. Le réalisateur de Transformers, c'est Michael Bay, voilà. Voilà, j'avais vraiment l'impression de voir ça. Ça aurait pu s'appeler science-fiction le film. Ça aurait été la même chose parce que c'est vraiment tous les clichés de la science-fiction. Il y a aucune imagination. Alors j'ai pas vu le premier, mais juste à la vision de cette bande-annonce, ça m'a déjà saoulé. Puis c'est moche, vraiment quoi. Moche. C'est horrible au niveau du design et tout ça. C'est mais c'est moche, c'est ça. C'est ça que tout le monde s'extasie là-dessus. Non mais c'est pas possible de s'extasier là-dessus. Mais... Non mais c'est faut être ces aveugle. Films ils sont moches. Aveugle, non, même le jour d'après que j'aime bien. Non, c'est pas beau quoi. Mais si. Mais non, c'est moche. Que je trouve à peu près beau au niveau du design, c'est Stargate justement, parce qu'il y a un peu d'imagination. Ah, il y a le film le dernier là qui a fait White House Down, c'était beau. Non, c'était moche. C'est horrible, c'est dégueulasse. White House Down, c'était pourri. La même année, t'avais La Chute de la Maison Blanche de Antoine Fuqua qui sortait. C'était vachement mieux déjà. Moi, j'avais préféré. Alors, c'est pas du gros film non plus, mais voilà, au moins c'était divertissant. Ça avait pas peur d'être un peu trash. C'était bien. Roland Emmerich, c'est que c'est du Et puis le problème de Roland Emmerich, c'est un peu comme Michael Bay, c'est ce que je reproche, c'est qu'ils se prennent super au sérieux, quoi. Quand il sort 2012, il est persuadé de faire un alors il fait un film catastrophe, ça c'est sûr, mais en même temps il est persuadé de faire un truc qui est dramatique et tout, il est persuadé de bien parler de la famille et tout, puis c'est patriotique, on n'en peut plus. Moi ça me gonfle, quoi. C'est plus le genre de film que j'ai envie de voir et ça me, enfin, moi on ça va me laisser saoule, parler quoi. L'avocat de la défense, hein. c'est le genre de film qui me gonfle. Et Roland Emmerich, autant il y en a que j'aime bien, mais alors il y en a que j'aime pas du tout. C'est pour ça que là, Independence Day, ça sera sans moi, hein. Celui-là, ah, c'est ouais. Clair que non. Mais dis, mange tes popcorn et t'énerve pas. C'est pour. Oui, avale la merde contre le. Oui, bon, bon la merde, y a pire. Non, alors, non, bon, moi je considère Roland Emmerich comme un. J'ai un peu le même rapport avec Roland qu'avec Paul de Wes Anderson. Il l'appelle Roland. Non, mais c'est un peu. Tu sais, c'est un peu comme Daniel Craig. Hein. Il oui, l'appelle Danny. Putain, je connais tout le monde. Ouais. Monsieur est populaire. Ouais. Pardon. C'est vrai que je. Oui, bon. Avec Roro. J'aime. Avec Roro. Dans l'ensemble, j'aime bien le bonhomme. Même si je suis. Voilà, les films sont cas par cas. Je déteste 2012, je te rassure, Eddie. Hein, tout n'est pas perdu de mon côté. Mais j'adore Le Jour d'après, qui pour moi, en plus d'être un film toujours aussi impressionnant quand je le vois aujourd'hui. Est un film qui dans son fond n'est vraiment pas bête, c'est pas gratuit, c'est pas, alors que 2012 il y avait un côté un peu cynique, un peu, puis c'était vraiment chiant et con, quoi. Mais le premier Independence Day, j'avoue, alors j'ai découvert l'année dernière, il était passé sur France 3 et j'avais adoré, parce que j'aime les vices en fait de Roland Emmerich. Ce que tu n'aimes pas, Eddie, ce que tu n'aimes pas sûrement Axel aussi, moi c'est ce que j'aime le côté un peu surpatriotique, oh, totalement c'est... assumé de Roland Emmerich, vraiment. Mais c'est pour se marrer. Oui, ouais. Ah oui. Ah oui, non, mais bah c'est pas sérieusement. Évidemment. Patriotique américain, en plus il est allemand, ouais. Le réalisateur. C'est ça qui est bien. Il s'intègre. Mais j'aime vraiment voir dans Independence Day le gros plan sur le drapeau américain. Et oui, oh. Les Américains sauvent le monde à la fin. Et Will Smith qui fait des petites blagues en mode ah tiens, je suis en train de me battre contre un. D'ailleurs c'est génial. Il sera pas là dans le 2, non? Non, il sera pas là. Ouais. Mais dans le 2, il y aura Charles Gainsbourg. Donc c'est égé. Charles Gainsbourg est un peu mon actrice préférée avec Jessica Chastain, donc j'ai hâte de le voir. Alors pour le coup, je comprends pas, je trouve pas que la bande-annonce soit moche, mais Roland Emmerich a ça, le simple fait de voir son nom sur une affiche me vend du rêve, parce que je trouve. Mais oui, parce que en matière de blockbuster, c'est un peu comme Michael Bay, sauf que moi je déteste Michael Bay. Allez savoir pourquoi. Mais Roland Emmerich, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me plaît dans son cinéma. Je trouve qu'il a un sens du spectaculaire, un sens du. Le terme blockbuster, il le révolutionne pas, mais je trouve qu'il s'appelle. Mais à la limite, Michael Bay il fait de la merde, mais de la merde qui est pas visuellement, ça c'est pas moche, quoi. C'est vrai. C'est des questions. Je suis d'accord, mais on peut pas vraiment juger ça. Enfin, c'est sûr, on peut juger ça de façon. Oui, non, mais je veux dire un effet spécial, s'il est bien fait, c'est oui. Tu le vois. Oui, je sais. Il est bien fait ou il est mal fait. Roland Emmerich, c'est mal fait. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est gras, mais... quoi. Ça dégouline, ouais. Je trouve. Je trouve que justement c'est le contraire. Pour moi, Roland Emmerich, il est peut-être plus dans la retenue. que Michael Bay. Mais vraiment, ouais, faudrait non, faire un jour un podcast spécial. Ça, faudrait qu'on fasse un jour Michael Bay versus Roland Emmerich. Le nombre d'explosions qu'il y a dans les films. Ouais, bah, il y en a beaucoup plus chez Michael. Oui. Hein. Moi, c'est simple. L'image que j'ai de Roland Emmerich, c'est le réalisateur assis sur sa chaise de réalisateur là, puis voilà. Puis on fait tout péter. Ouais, si je suis content, ça explose. Ça fait ça. Si je suis content, ça pète de partout. Bah non. On va garder ça, c'est trop bien. Ça non, pète. Justement, parce que ça, c'est... on voit que le mec est. C'est un peu l'image. Et j'ai la même image de Michael Bay, mais avec deux filles de chaque côté en string. Voilà, toute la différence est là. Mais quand même, alors même si j'aime pas Anonymous, je trouvais que c'était culotté, parce que bon, j'attendais pas Roland Emmerich pour me faire réfléchir. Honnêtement, je regarde ces films, je réfléchis pas. Hein. Je les prends même pas comme des plaisirs coupables. Plaisirs coupables, c'est vraiment Paul W.S. Anderson et Resident Evil, c'est des plaisirs coupables. Je sais que c'est de la merde, enfin de la merde, c'est pas, voilà, mais je les prends comme tels, voilà. Que honnêtement, Independence Day, à l'époque, je pense que, enfin, pas que je pense, je suis sûr que le film, ça a été un carton phénoménal. Même en France, je me souviens qu'une personne de ma famille qui avait vécu le film à l'époque en parlait tout le temps quand j'étais petit, mais tout le temps, il voulait le voir. Ouais, Independence Day, Will Smith, et je trouve qu'il a une manière d'orchestrer justement les fins du monde avec une générosité. Oui, Et en plus, les extraterrestres, ils sont sympas chez lui parce qu'ils viennent que le jour de la fête nationale aux États-Unis. Hein. Bah oui, tant qu'à faire. Ils sont polis. Bah oui. Ils prennent rendez-vous. Bah ouais. Oui, bah chez Roland Emmerich, tout le monde est poli, voilà, c'est ça. Non, puis il y a un sens de... Alors qu'on retrouve pas chez 2012, ni dans Le Jour d'après, parce que Le Jour d'après, pour moi, c'est un film le plus sérieux. Le Jour d'après, c'est vraiment un film écolo. Là, c'est vraiment Roland Emmerich qui nous donne une leçon d'écologie. Vraiment. Ça, c'est... Et j'ai... Le Jour d'après, il est bien parce que c'est l'une des rares fois où la relation père-fils, elle fonctionne bien. Bah, c'est aussi le fil familial. Dans 2012, il avait voulu exploiter le truc, et je trouve qu'il avait pas ça réussi. Ça marche pas. Non, il avait pas réussi. Et il y a ça dans The Patriot aussi qui est pas mal. The Patriot, j'aime bien. Ah, je l'ai pas vu. Avec Mel Gibson. Ça celui-là, ça va. C'est un film de Roland Emmerich que j'aime bien. C'est hyper patriotique, mais pour le coup, ça, c'est dans le film, c'est logique. Oui, puisque c'est en 18e siècle, je crois. C'est... Ouais, c'est. Bah, la révolution américaine, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est un propriétaire de plusieurs terres qui va se. Enfin, un de ses fils va se faire tuer par les. Je sais plus. Enfin, ouais. il va se faire tuer, et du coup, il va s'engager tout seul, mais. C'est une histoire de vengeance, mais c'est bien orchestré, quoi. D'accord. Là, il y a une vraie. Enfin, là, tu sens qu'il. Je sais pas si c'est lui qui l'a écrit ou quoi que ce soit, mais il y a une vraie dramaturgie qui s'instaure. Ouais. Et dans les autres films, ça fonctionne pas. Il essaie de le faire dans les autres films, mais ça fonctionne pas. Ok. Bon, je pense qu'on a assez parlé d'Independence Day. Pour oui, moi, forcément, j'attends le deuxième, et puis Charlotte Gainsbourg, ça me rend curieux. Et non, en tant que pur adorateur de Roland, j'irai. Voilà. Okay. Roland. Il t'a déjà réservé ta place à côté de lui, à l'avant-première. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là non plus, mais si Charlotte Gainsbourg vient à l'avant-première. Ah, bah là, voilà, oui, alors ça, oui, forcément. Mais sinon, non, j'ai un plaisir devant ces films. J'arrive pas trop à le décrire, je sais pas l'expliquer, parce qu'effectivement, d'apparence, Roland Emmerich fait tout le cinéma que je déteste. Tout ce que je congis, je ne sais plus comment on veut dire, à la base, c'est tout ce que je n'aime pas. Mais lui, je sais pas pourquoi ça passe. D'accord. Je sais pas l'expliquer. Bon. Ben voilà, c'est un mystère. Mystère. On va passer à une news cette fois avant de finir avec deux bandes annonces. On finira enfin l'émission parce que là ça dure un petit peu longtemps. Donc ce serait Kurt Russell qui il est en discussion avec Disney pour interpréter le rôle du père de Peter Quill, donc le rôle de Chris Pratt dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Voilà, je. Volume 2. Volume 2. je sais pas ce que vous pensez. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ou pas? Bah, c'est cool, ouais. Quoi. Mais ouais, non, mais de toute façon, c'est bien pour lui. On va discuter pendant des heures. J'aime bien. C'est vrai que j'ai vraiment apprécié Les Gardiens de la Galaxie. Maintenant, voilà, Kurt Russell dans le rôle du père de Star-Lord. Justement, en plus, Les Gardiens de la Galaxie 2 devrait se concentrer sur le thème de la filiation et particulier la relation entre son père avec son père, donc c'est pour ça qu'il. Je pense pas que le rôle, enfin, même si sur le papier ils veulent se concentrer sur, ils veulent accentuer le film sur ce fil là, mais c'est comme Michael Douglas dans Ant-Man, tu vois, je pense qu'ils prennent des acteurs un peu prestigieux. Au final, on leur donne pas grand chose à jouer, mais bon, c'est bien pour lui, quoi. C'est bien pour lui parce que c'est pas un mauvais acteur. Mm-hmm. Mais bon. Moi, ce qui me fait rire, c'est que ça fait un peu, j'ai l'impression qu'ils servent un peu de ça comme un prétexte. Et regardez, voyez bien qu'on fait pas des films que pour les fans de comics et tout. On prend aussi des acteurs quand on fait d'autres grands films et tout. Hein. On fait pas, c'est pas nul ce qu'on fait. Il y a des grands acteurs qui viennent. Ouais. Ça fait un peu Kurt Russell, il est pas inconnu de chez Disney, hein, avec Tron. Non, c'est vrai. Mais il était très bien dans Tron d'ailleurs. C'est pas Kurt Russell dans Tron. T'es sûr? C'est pas Kurt Russell. Ah oui. Alors je me trompe. C'est Jeff Bridges. Fois je me trompe. Je suis désolé. Bah il se ressemble un peu. Voilà, en même temps. Non, désolé. Bon alors il sera nouveau. Mais Jeff Bridges était très bien dans Tron. J'ai un très bon souvenir du père justement dans Tron. Bon j'enlèverai ça. Ou alors je le laisserai, je sais pas. Je pense qu'on. Oui, pour une fois que j'ai raison. Fois que t'as raison, je vais le laisser alors. je pense qu'on a à peu près tout dit. On discutera un peu plus quand on aura un peu plus d'informations par rapport à ce film. On va passer ensuite à quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Alors, je sais pas si ça vous intéresse vraiment. C'est le teaser des Animaux Fantastiques. Le préquel, encore un préquel d'une saga littéraire super connue de J.K. Rowling, donc Harry Potter. On retrouve à la réalisation David Yates, encore lui, et le film sortirait le 16 novembre 2016. On retrouverait Eddie Redmayne dans la peau du sorcier magizoologiste Newt Scamander ou Norbert Dragono en VF. Voilà. Pourquoi? Donc parce que c'est comme ça, voilà. C'est comme ça que c'est traduit dans les voilà, romans. Donc... Ah d'accord. Tout simplement. voilà. Ouais. Il y a une traduction pour donc, beaucoup de personnages. D'après ce que j'ai compris, si je me trompe pas, le roman est déjà, enfin, il existe déjà en roman, c'est ça? Je ah, sais okay. pas. Oui. Je sais pas. J'ai pas. Je crois que oui. J.K. Rowling a écrit le bouquin et donc du coup va l'adapter en. Bah du coup, elle a écrit le bouquin vraiment pour qu'il puisse non, être je sais pas. Pour qu'il puisse être adapté je en sais. film. Hein. Ça fait un peu Ouais, ça quand même. Hein. elle se chargera de l'adaptation du scénario. Donc, elle prend un peu la place de Suzanne Collins pour Hunger Games, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse, un préquel d'Harry Potter. Enfin, moi, l'univers me sort un peu de la tête, mais. Moi, ça me. Ouais. Moi, en fait, ça me laisse. Ça m'emmerde un peu parce que. Moi, j'aimais bien. Franchement, j'aime bien Harry Potter. J'ai grandi avec et tout, donc je peux pas. C'est pas ma franchise préférée, mais en même temps, c'est pas une franchise que je peux mettre de côté, parce que je les revois avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup d'émotions aussi. C'est une saga qui m'accompagne. Harry Potter, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Moi. Ah oui, tout seul. Non, c'est la première fois que j'allais Ah, dans une salle de cinéma. OK. La première fois que je suis allé au cinéma, c'était vers 2001, je D'accord. crois. J'ai été très tard Vraiment, au tu vas aller au cinéma et... cinéma tout seul voir le premier Harry Potter. Non, mais... T'as 8 ans à l'époque. C'est vrai que c'est un peu con de Et demander. donc du coup, c'est pour ça, c'est vraiment une saga que je peux pas dire que j'aime pas, parce que de toute façon, ce serait pas vrai et j'apprécie vraiment. Donc du coup, ça me... Ce projet, je pense que je le verrai, mais je l'attends pas, parce que pour moi, Harry Potter, les 8 segments se suffisent très bien. Je vois pas l'intérêt d'une préquelle, surtout que ce serait une préquelle à la limite pour parler de comment a été fondé Poudlard et tout ça. Ça pourrait m'intéresser, mais là, les animaux fantastiques, ok, je trouve ça intéressant le. Je trouve ça intéressant les créatures fantastiques au cinéma. Et dans Harry Potter, il y en a certaines que j'aime bien. Mais là, je vois pas l'intérêt. Et puis en plus, c'est Eddie Ouais, Redmayne. voilà, donc Donc, lui, il me gonfle un peu. Parce que je trouve que c'est un peu mono-expression, quoi. Il a toujours la... J'ai bien aimé le film, là. Jupiter. Non, Enfin, le truc du c'est temps, le... là. Ouais, le ouais. merveilleuse histoire du temps. Une, oui, Il est là, très oui. expressif dans le film, mais vraiment. Mais il est bien dans ce film-là, Ouais. je trouve. Oui, il est bien. Il est bien dans ce film-là, sinon le reste du temps, je trouve qu'il est. Voilà, il a toujours les yeux très écarquillés, la bouche grande ouverte, ça me gonfle en Enfin, fait. dans. Ouais. Il a des expressions faciales qui me saoulent, donc je dirais que j'ai pas forcément envie de voir un film Juste avec lui, avec non. lui, donc. Et là, pour le teaser en question, il donne pas franchement envie. Hein. Il est... Enfin, franchement, je l'ai trouvé naze, hein. Même moi qui est. C'est pas Ouais. terrible, hein. Et Faut ça fait arrêter kitsch, hein. de Ça fait dire. vraiment. Enfin. C'est ma plus grosse attente quand je vois les fans et tout. D'accord, vous pouvez être fan, Oui. mais. Ah bah, au bout d'un moment, faut c'est aussi comme être Hunger Games. objectif, quoi. C'est comme les préquels d'Hunger Games. Ça attire les fans de la première heure d'Harry Potter, pas tous, justement, comme toi, Eddy, mais la plupart, justement, il y a un lien avec Harry Potter, ils s'en Mais foutent. même là, mais même moi qui aime vraiment beaucoup Harry Potter, je sens vraiment le truc. Ouais, ok. Donc Harry Potter, tu sens bien que chez Warner ils se sont dit, bon, ok, Harry Potter, ça fait combien de temps que c'est fini? Ça doit faire 4-5 ans qu'on a vu que la partie 2 est sortie. Bon, c'est bien dans l'esprit des gens, mais il y a peut-être un peu de thune à se faire encore. Donc on va relancer un truc sur Harry Potter. Enfin, ça fait vraiment Ouais, ça, quoi. Et tu te dis, et en plus, enfin, au bout d'un moment, tu te dis, ils peuvent pas foutre la paix à des sagas, quoi. Les laisser vieillir tranquillement, puis à la limite y revenir dans, je sais pas, dans une vingtaine d'années. comme Star Wars. C'est, oui, mais voilà. Mais moi, c'est pour ça que je trouve que Star Wars, finalement, c'est bien ce qu'ils font. Ah oui. Parce que tu te retrouves pas avec un film tous les ans, tous les machins. Enfin, En fait, bah si, tu maintenant vas t'as des, pouvoir. t'as des. Si, on y vient, Oui, non, Star Wars, mais. là. Là, ce que les plans de chez Disney pour Star Wars m'emmerdent un peu parce que finalement on va bouffer beaucoup de Star Wars et je pense que c'est un peu ce qui pourrait. Ça y est, ils rigolent hein, avec le succès. Ça y est, ils ont signé. C'est un peu ce qui pourrait être à la fois le bonheur de Disney et le malheur de Star Wars. Et là, en fait, ça me saoule quoi parce que tu te dis merde, t'as même plus le temps de digérer une saga que ça y est, on te refout dedans encore. Et le pire, c'est, je vais t'annoncer un truc qui va t'énerver encore plus parce que je l'avais pas lu en entier la news, mais le long métrage sera le premier d'une trilogie annoncée. Oui, j'ai vu. Donc, ouais. Voilà. En plus, autour du même personnage, donc. Voilà. En plus, ils sont sûrs d'eux, hein. C'est une trilogie. Ouais, ils sont sûrs de leur coup. Directement. Ils ont même pas fait le premier film encore qu'ils annoncent déjà la première. Parce qu'il y a une base de fans énorme, même titre que Star Wars, donc. Ouais. Donc voilà. Qui va réaliser ça déjà? David Yates. Ah oui, c'est vrai. David Yates. Oh ouais, encore. Puis c'est lui. Oh là non. Voilà. Mais moi ça me choque pas parce que j'aime bien les deux dernières. Oui, non, mais ils sont très bien, mais bon. Après... Moi j'ai pas vu la bande-annonce, donc je peux pas juger, mais le projet en lui-même, mais je m'en tamponne, mais d'une force. C'est ça en fait, c'est que j'ai vraiment peur que ce personnage soit pas assez emblématique et il le sera pas. C'est ça en fait, Harry Potter, c'est que voilà, t'as quand même des thèmes qui font Harry Potter, les sept films se justifient en fait, mais là même cette histoire se justifie pas, les animaux fantastiques. Voilà, je pense que personne n'est intéressé. Tu voulais dire quelque chose, Morgan? Je rajouterai un truc sur Harry Potter. Je vais rajouter un truc, c'est que Harry Potter, c'est un personnage iconique pour nous. Enfin, nous, on a grandi avec. Et je pense que le film est sorti aussi au bon moment. Parce que Harry Potter, à l'époque où c'est sorti, on n'était pas noyé autant que ça. Harry Potter, c'est sorti sagas. Aujourd'hui. Ouais, c'est... Mais Harry Potter, c'est comme Le Seigneur des Anneaux, c'est le début des sorties mondiales. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'Harry Potter est sorti au bon moment. On a grandi avec, ça a été iconique. C'est un personnage... Même moi, j'adore revoir les films. Je trouve que les films ont leurs défauts, mais il y a... Voilà. Je dis pas que les films sont géniaux. Hein. Moi, par exemple, j'aime bien le cinquième volet, qui est le moins bon. Mais j'aime bien l'ordre du Phénix. Moi je peux pas les détester. Voilà, j'en déteste pas un non plus parce que c'est forcément des personnages que j'aime retrouver. Voilà, c'est ça, c'est un univers. Et un univers qui me plaît. L'univers d'Harry Potter, je trouve magnifique. Il est magnifique, j'ai grandi avec. Et hier, justement, on parlait, il y avait un comparatif, mais le côté quel est votre saga préférée, Harry Potter, Star Wars, Seigneur des Anneaux. La nostalgie m'oblige à répondre Harry Potter, mais objectivement, Seigneur des Anneaux, il étale Star Wars et Harry Potter. Mais vraiment. Mais moi, j'ai grandi avec Harry Potter. Les personnages, les adore. L'univers, je me suis identifié au. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui m'ont marqué personnellement. Je pense pas qu'on va retrouver. On retrouvera pas ça. Même Eddie Redmayne. Mais je veux dire, il a pas le. Enfin, non. C'est... Ça marchera, oui, parce qu'il y aura l'étiquette Harry Potter. Il y aura Harry Potter en poil de fond. Mais sinon, non, je pense. Et encore une fois, le succès fera pas la qualité. Quoi. Ah non. Ah non, c'est sûr. Donc tu m'as trouvé une transition toute faite parce que justement dans ce dans ces où tu demandais pour la saga préférée sur Facebook, justement j'avais répondu en troll mais peut-être pas tellement parce que j'aime beaucoup la saga, mais là elle va dans des directions que je n'apprécie pas vraiment. Donc c'est Star Trek sans limite, déjà le titre. Bien trouvé. Je dis ça ironiquement. Hein, je... c'est vrai. Que, ouais. Donc, il sera réalisé, on en avait peur, hein, par Justin Lin, le réalisateur de Fast and Furious, et sortira le 24 août 2016. Voilà. Moi, je suis dégoûté. Imagine mon visage. Mais c'est. c'est horrible. Horrible. Moi, la bande-annonce, je dirais pas qu'elle me plaît. Non, pas. C'est vrai qu'elle est pas terrible. Elle est pas terrible, mais. Elle est. C'est rock'n'roll, quoi. Et tu t'attends pas à voir ça, en fait, quand t'as vu les deux autres films. Et. Par contre, il y a des trucs qui me plaisent, c'est. C'est pas forcément l'humour, parce que finalement, les autres, il y a de l'humour quand même. Il y a des répliques qui passent bien, et je pense que ça fait vraiment partie intégrante de la franchise. Moi, ce qui me plaît, par contre, c'est le fait que. Tu retrouves un peu des aliens. Maquillage, en vrai, en dur, maquillage. Ouais, et pas j'ai envie de dire heureusement. pas qu'en CGI quoi. Et ça c'est bien. Parce que c'est. Mais après le film en lui-même est-ce qui. Mais après c'est oui c'est tout ce qui gravite autour du film, tout ce qu'on commence à savoir là qui. Qui fait un petit peu peur, quoi, parce qu'apparemment ça s'inscrit pas dans la continuité de Into Darkness, oui. Si j'ai bien compris. Ouais, donc voilà, moi j'aurais préféré voir la suite de Into Darkness. Alors peut-être que maintenant, J.J. Abrams, vu qu'il a fait son Star Wars, peut-être qu'il va revenir à Star Trek. Ce serait tellement bien. Qui... Ben moi j'aimerais bien, franchement. Mais... Qu'il l'efface et qu'il en fasse un nouveau avec J.J. Abrams. Parce que là. Non mais qu'à la limite celui-là là sans limite revienne soit je sais pas ce que, je sais plus enfin il me semble avoir lu mais alors grosse guillemets sur ce que je dis c'était ça allait être vu un peu comme un préquel non peut-être je sais pas j'ai pas vraiment lu ça mais bon c'est pas donc à la limite si c'est un segment un peu à part et que J.J. Abrams revient pour faire un vrai troisième ok ouais, mais si ça c'est vraiment la suite voilà le Star Trek de J.J. Abrams c'était un reboot donc là ils vont faire une prequel du reboot mais où ils vont et après ils feront le reboot de la prequel du reboot ils sont vraiment sans limite. Ouais, là tu peux l'utiliser vraiment dans ce contexte parce que là le problème, enfin moi les deux Star Trek de J.J. Abrams j'aime beaucoup même en tant que moi fan de la série originale et des séries qui ont suivi même si elle propose quand même plus d'action c'est vrai il y en avait quand même un petit peu dans les séries mais beaucoup moins qu'il y avait dans les films de J.J. Abrams. Là ça va vraiment dans le 100% action, aucune réflexion. Enfin, de ce qu'on a vu de l'abandon, j'espère que c'est pas tout le film comme ça, parce que sinon ce sera insupportable. Mais voilà, j'espère vraiment qu'ils ont un peu réfléchi à quoi ils s'attaquent, enfin à quoi ils. Parce que Justin Lin, je sais pas s'il connaît vraiment l'univers. J.J. Abrams, je pense qu'il connaissait, enfin qu'il connaît vraiment l'univers. Il était fan. Il était fan, et enfin. Pas autant que Star Wars hein, mais il connaissait quand même l'univers. Justin Lin, je suis pas sûr vraiment. Là ça a vraiment l'air d'être un Fast and Furious dans l'espace c'est ça. Ce qui me fait très peur pour une saga comme Star Trek qui est censée être basée plus sur la réflexion que sur l'action donc voilà c'est vraiment quelque chose. Après le côté exploration qu'on nous présente dans la bande annonce, pourquoi pas, parce qu'apparemment à la base de la série c'est plus de l'exploration que ouais. Donc ça, s'ils reviennent un peu à ça, pourquoi pas ? Après, c'est qu'une bande-annonce, peut-être qu'on s'avance trop, ouais, mais pour le moment, franchement, ça donne pas envie, quoi. En plus, ils nous la balancent comme ça, elle a débarqué comme ça, sans qu'on sache trop d'où elle sorte. Enfin, on n'a pas eu plus d'infos que ça sur le film, et hop, bande-annonce. Donc c'est, je sais pas, c'est brutal en fait. Cette news, je trouve ça claque comme et ça. Et le pire, c'est que le film sort pour le cinquantenaire de la série. Voilà un bon anniversaire avec, si ce film est digne de la bande annonce ça risque d'être un anniversaire assez raté pour la série. Bon il y a pas que des bons films dans la série Star Trek, je parle avant le reboot. Il y a aussi de très mauvais films mais voilà. Oui, apparemment il y a à boire voilà, et à c'est manger ça. Hein, dans les premiers films. Et oui, dans les 10 premiers films d'ailleurs, c'est 10. Mais du coup là ça a l'air de partir dans des directions qui personnellement me plaisent pas du tout. C'est comme pour toi pour Jurassic World pour les suites. C'est comme si on m'annonçait ça pour Star Trek, tu vois. Donc voilà, c'est là bon Idris Elba sera le méchant du film, on le voit quelques secondes dans la bande-annonce. Mais ça pourquoi pas parce que il est très bon. Et puis moi heureusement qu'ils ont pas fait des aliens en CGI parce que c'est la force aussi de Star Trek, c'est qu'ils utilisent des maquillages, ils ont quasiment enfin je crois pas qu'ils aient utilisé d'effets spéciaux dans mes souvenirs voilà. Pour les aliens en tout cas. Mais on verra bien ce que ça va donner. Moi j'irai le voir, hein, c'est sûr, mais je suis pas impatient de le voir. Non, moi non plus, là. Du coup ça m'a un peu refroidi. Pareil. Mais toi, Morgane, je sais que tu n'attendais pas le film parce que tu savais justement que c'était Justin Lin. Moi j'attendais de voir des images et là ça m'a pas convaincu du tout. Donc, Non, j'arrive pas à être convaincu. Moi j'aime beaucoup les deux Star Trek, même le deuxième qui est non, pas. Non, mais tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de monde qui déteste. Surtout parmi les fans de la première heure, et moi j'ai vraiment adoré. Donc, Ah, moi j'aime beaucoup le deuxième. Ah non, j'avais adoré. Parce que même Cumberbatch en méchant, ça le faisait quoi. En Cannes. Morgane, donc tu voulais. Ouais, surtout que... Ouais, j'allais faire un jeu de mots, j'allais dire que le deuxième, c'était un vrai festival de Cannes. Et voilà, je l'ai fait. Non, je ne peux... Non, non, sérieusement, tu ne couperas pas. J'assume. Je peux pas attendre celui-là... Même si j'aime bien les Fast and Furious, par ailleurs, le 5 et le 6 sont vraiment très très bien. Non, je n'ai pas envie de voir Fast and Furious dans l'espace. Alors c'est peut-être un peu facile de balancer ça parce que c'est Justin Lin, mais en même temps la bande-annonce clairement. Qu'il a rien, il a rien fait d'autre de toute façon, Justin Lin, il me semble. Je crois pas. C'est non, pas lui qui a pas, fait non. Dragon Ball Evolution. Ah, non. Non. Ah bah non, bah non. Non, mais bon. Non, je crois pas. Fast and Furious 5 et 6. C'est des très bons films d'action. Enfin, le 5, c'est quand même jouissif. Mais j'ai pas envie de voir ça dans l'espace. Moi, Star Trek, c'est vrai que c'est plus dans la réflexion. Et je trouvais que J.J. Abrams amenait quand même un peu ça. Il y avait vraiment un bon mélange entre les deux. Effectivement, il y avait le côté space opéra, mais de l'autre côté, il y avait, je trouve, des scènes de dialogue, des scènes où des scènes assez posées finalement, où les personnages avaient le temps de se développer. Là, même là, avec l'arrivée de Sofia Boutella, Boutella, je ne sais pas comment on dit, que j'ai adoré dans Kingsman, mais bon, là, le problème c'est qu'elle est toute blanche, donc elle a aucun intérêt. On la reconnaît pas. Non, mais c'est vrai, j'ai eu du mal à la reconnaître. Enfin, je vais assez elle, finalement. Bon, finalement, non, le casting est, bon, là, c'est toujours le même. Dieu merci. Chris Pine, Zachary Quinto, Carl Urban, Simon Pegg, voilà. Mais je pense que même si J.J. Abrams est un réalisateur qui fait extrêmement débat et qu'il a son lot de haters, comme je l'ai encore dit aujourd'hui, mais je pense que le fait qu'il ne soit pas derrière la caméra va beaucoup se faire ressentir. Parce que il était aussi légitime pour relancer Star Wars que Star Trek. Bon, bah, les deux marchent. Ouais. Il était autant légitime. Il n'y en aura pas de Lens Flare. Bah oui, ça va nous manquer, merde. Ça va manquer quand même. Bah oui. Et puis même Idris Elba en méchant, j'aime bien Idris Elba, mais pour moi, voilà, Benedict Cumberbatch avait tellement en matière de prestance, il avait élevé, parce que Benedict Cumberbatch, il ne parlait pas. C'est ça, il y a un petit peu la frustration, quoi. C'est que, oui, l'épisode 2 s'achève avec Khan, qui est vraiment une figure emblématique, c'est ça. Un vrai méchant, et puis là, on se retrouve dans un truc complètement différent, qui a quasiment rien à voir. Je dis merde, ils nous prennent pour des coups ou quoi? Ben oui. Là, vraiment, c'est bien dommage, je trouve. Voilà, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter, par contre, qu'on finisse sur une note si dépressive. Mais bon, on verra bien. On a que une ou deux minutes d'image, donc. On verra bien ce que ça donne, voilà. Oui, on verra bien, mais bon. Peut-être que J.J. Abrams reviendra avec le cas. Peut-être. Parce que pour moi, Star Trek, de toute façon, je compte pas les anciens films. Sur les nouveaux Star Trek, c'était le bébé de J.J. Abrams. Je trouvais qu'il maniait le bateau, mais vraiment très très bien. C'était des bons films, quoi. Ils avaient leurs défauts. Le premier, le méchant était tout pourri, mais le deuxième, le méchant était tellement bien. Enfin, voilà, c'est les films qui avaient leurs qualités, leurs défauts, mais je les aimais vraiment malgré tout. Mais là, non. Là, franchement, je le sens pas. Ok, bon, ben voilà, on a fini cet épisode qui fut long, mais bon, j'espère que vous avez apprécié l'écoute, et puis le visionnage aussi, on espère, sur YouTube, ce sera dans quelques jours, hein. C'est pas encore, enfin, faut que je prenne le temps de le faire, donc, et vu que j'ai pas tellement le temps en ce moment, mais bon, voilà, merci à vous deux d'avoir participé encore, et puis d'avoir... participer au débat d'avoir débattu c'est toujours un plaisir de vous retrouver voilà, donc nous on va déjà donner nos adresses où est-ce qu'on peut nous retrouver nos adresses postales, je sais, bientôt Noël, si vous voulez nous faire un don. Non, on va pas accepter les dons. Bah moi si. Donnez-le à des causes plus intéressantes que la nôtre. Bah non, mais attendez. Voilà. Si vous nous aimez bien et que vous voulez des émissions avec plus de qualité, plus de budget, il faut donner. Ouais, on a rien pour donner, donc à moins que tu... Arrête, on se croira au télé. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. 36, 37. On dirait que tu quémandes, là, c'est assez gênant. Oui, c'est assez gênant. Bon. Bah écoutez, faut tout oser dans la vie. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc je demande, donnez-nous. Oui, on va finir cette émission, donc vous pouvez retrouver tous les liens sur moviesnerd.net. Sur Twitter, c'est movies_nerd. Sur Facebook, c'est Simon is Nerd. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Sens Critique à TheLexal, TheLexal. Et je vais laisser la parole à Morgane au lieu de dire des bêtises. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? On peut me retrouver sur Twitter, @CinéMorgane. On peut me retrouver sur Vodcaster, @CinéManiac. D'ailleurs, si je me trompe pas, tu vas faire gagner pour aller vraiment dans le. Oui, je vais faire gagner, oui. Oui, je vais le faire gagner. Et je vais l'envoyer ça à mes frais. Donc c'est pour ça, vu que ce sera à mes frais, que je... Donnez-nous quand même un petit peu pour que, quand même, sur le compte bancaire, il suit pas forcément. Non, je plaisante, Il va donner une petite peluche, non, une petite figurine Funko, donc allez le suivre sur Twitter si ça vous intéresse. Oui, que j'ai gagné, oui. Voilà. Ouais, je vais la faire gagner. Bon, il y en a qu'une, forcément. Avec un petit autographe... Oh, puis j'aurais pas dû le lancer là-dessus. Donc, Eddie, je pense que t'as rien à vendre, donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors, vend deux pièces bien éclairées. Donc, c'est pas mon cerveau alors, si c'est deux pièces bien éclairées. Donc, voilà, achetez-lui un cerveau sur toi, Morgane. Non, bref. Moi on me retrouve comme d'habitude, Movies Nerd, Facebook, Sens Critique, voilà East Dark partout. Bon, c'est tout. Merci encore d'avoir écouté et on se dit à la prochaine, donc dans un mois à peu près, pour un prochain Parlons Cinéma. Salut. Salut. Attendez, vas-y, on vous vas-y. Souhaite quand même un bon réveillon. Ah mais oui, oh là là, ah oui, bah oublié. Oui, on vous souhaite un bon réveillon quand même. Oui, bah oui, attendez. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. En même temps, ça dépend parce c'est que si c'est un mec qui est un peu en retard et qui écoute ça le 3 avril 2016, il va s'en foutre un peu. Mais oui, mais là voilà. Eh ben, un bon réveillon à tous et puis si vous nous écoutez après le réveillon, on espère que vous avez eu plein de cadeaux. C'est ça. Et puis de toute façon, il y aura le podcast Movie Nerd qui sortira pendant les vacances normalement, j'espère, on verra ça. Ça ne tient qu'à Excel, hein. Nous on a fait notre devoir. on en parlera plus tard. on vous souhaite de très bonnes fêtes et de toute façon on vous fera encore un petit message sur Movies Nerd pour vous souhaiter une bonne année. Et d'ici là, bon réveillon et bonne fête et à la prochaine. Salut. Salut. Salut.